Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère. Floodcast. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle hein, de toute façon. Bravo. Stop. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Floodcast. Comme à l'accoutumée, nous sommes extrêmement bien accompagnés. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu touches mes réglages. Ne dis rien quand je fais ça. Ah, c'est mieux. Les invités aujourd'hui, il a le bras tellement long qu'il se croit dans Space Jam. Sa chaîne YouTube a bientôt atteint 6 millions d'abonnés. Il est multidisque d'or, double disque de platine. Il a un NFT dégueulasse de singe. Il est même devenu pizzaiolo avec sa pizza de la mamma. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas Fatal Bazooka. Et son succès n'est pas un mystère. V, c'est Mister V. Alors, il est peut-être moche, mais il fait 23 ETH, ok? Waouh! J'ai aucune notion. Ça ne dit rien du tout. C'est des hétéromes. Mais il est laid à crever. Armé de sa tasse de café et de ses lunettes fumées, il touche autant à la zik qu'au sketch sur YouTube et Instagram. Disque d'or, comédien et auteur récemment sur la saison 2 de La Flamme, le flambeau. Quand il doit cuisiner indien, Freddy est une queen, car Freddy met le curry, c'est Freddy Gladieux. Rien à refuser d'applaudir. Sur celle-ci, il a dit c'est non. Moi, je veux faire tous les efforts du monde. Mais... Non, j'étais choqué. J'étais... Je pouvais rien faire. Mon elle a mis un petit temps à s'installer. Ouais, c'est ça, mais ouais, mais ça. Non, mais Freddy Mercury, très pas mal. Très pas mal, il a dit. C'est bizarre. C'est bizarre comme compliment. Mais relevez pas. C'est très pas mal. C'est un mème un peu, Freddy Mercury, je trouve. T'imagines ? Ouais, Freddy Mercury, c'est un vrai mème. Je pense que tu prends un sosie de Freddy Mercury, mais indien. Et tu mets Freddy Mercury. Et tu t'appelles la page Instagram Samouraï. Bah oui, voilà, c'est ça. Et le buzz, et après, c'est le buzz. J'essaye de me soigner avec un autre qui tente en vain de racheter tes fautes. Il semble si parfait, mais rien n'y fait. Je n'y arrive pas. Je ne peux pas. Je ne l'aime pas comme lui. C'est Adrien Méniel. Ouais. Adrien Méniel. Là, c'est Yves qui a pas voulu applaudir. J'analysais son masque. C'est dur. Alors, oui, il faut expliquer pourquoi c'est peut-être un poil étouffé. On a mis mais les c'est masques. C'est pas étouffé, arrêtez. Si, c'est parce que Freddy est cas contact, voilà, faut le dire. Voilà, oui, effectivement. Et Adrien croit encore au Covid en mars 2022. Il y a la guerre, mec. Je suis négatif. J'ai fait le test avant, je suis négatif. Et normalement, c'est deux jours après qu'on doit faire le test, mais j'ai fait le test dans la foulée. Je l'ai envoyé à Adrien qui m'a dit va quand même à la riboisière, checker le tout. Je l'ai fait, après, il m'a dit faire hôpital Necker, après je suis parti à Necker. Il m'a dit envoie-moi les examens, il les a vérifiés, mais il a dit c'est ok, mais tu gardes le masque. C'est négatif. Moi, je comprends, je capte en vrai d'où. Bien sûr, mais moi tu m'as envoyé un autre texto, Freddy. Mais voilà, je veux pas. Et Adrien qui est aussi de très bonne humeur, pourquoi? Parce que j'ai été un génie. Il faut savoir qu'on enregistre entre chez moi et un autre local, vu que j'ai ma fille, donc des fois c'est un peu compliqué. Donc. Pourquoi des excuses? Non, mais c'est vrai, et j'ai pas pensé à prévenir Adrien que ce soir on enregistrait pas chez moi, mais dans les locaux que près de Vanessa et Poulpe, et il est allé chez moi, donc voilà, il s'est tapé un aller-retour un peu relou, et pour ça, Adrien, je te présente toutes mes excuses. Ouais, écoute. Non, mais il a une excuse, tu es en train de stalker Adam Sandler. Et comment va l'enfant? L'enfant va très bien. Ah, je parlais d'Adrien, parce qu'Adrien était... Il m'appelle l'enfant, en fait. Comment va ma fille? Oui, elle va bien, ça va? Je sais pas, j'ai juste vu Clara. Oui, elle va bien, elle a ouvert dans une pénombre de quelqu'un qui a pas envie d'être dérangé un vendredi soir, et j'ai dit... C'est pas là le podcast, elle a dit. Bah non, c'est pas là. Aïe. Ah putain. Ah, ça nous est arrivé avec Maxence aussi, qui lui est carrément venu un autre jour. Il est venu un jeudi, vraiment, et c'était on enregistrait une semaine. Là, il y a de la stupidité qui rentre en jeu. Non, faut le dire. On va d'abord passer aux news du podcast. En plus, il est très beau. À Nantes. Ça aucun. Okay, ouais. Aucun rapport, non. Mais je dis en plus parce que. En plus. À Nantes. Pas mal de talent. À Nantes. Je voulais dire une news qui s'est passée à Nantes. Nantes, une ville qu'on a remplie en quelques heures seulement. Ok. Est-ce que c'est un rapport avec le fait qu'ils soient qu'ils ont gagné la Coupe de France ou en finale de la Coupe de France de foot? Absolument pas. Absolument pas. Ils ont fait un record du monde, par contre. Ils ont battu un record du monde. À votre avis, lequel? Est-ce que c'est un record lié à la cuisine? Non, pas lié à la cuisine. Un record lié à la population nantaise? C'est genre un peu, d'une certaine manière, manière. Direct. Moi, je pose une question, c'est déjà un peu, tu vois. Bam, bam, bam. Est-ce qu'il y a un truc avec les biscuits? Non, pas les biscuits. Les petits lucides. C'est bien parce que j'ai posé la question de la cuisine avant. Ouais, c'est vraiment. Est-ce qu'il y a un truc avec les 4 quarts? Pas. Non, le fait de faire à manger? Non. Non plus. Le sucre. Est-ce que c'est le plus grand nombre de personnes qui. Dans une ville? Non. Ah, c'est le plus grand. Ils ont fabriqué quelque chose? Oui. Peut-être un gâteau ou un aliment. Ah, concentre-toi. Est-ce que c'est une statue? Non, vas-y, vas-y. Est-ce que c'est une statue? Pas une statue, pas une statue. Est-ce qu'ils ont le meilleur genre pâtissier de, de Nantes? Toutes non. Les questions. Bah. Oh, oh, le suce-boulis. Oui. Oh là là. Alors là, vous le voyez pas, mais il porte un t-shirt pizza de la mama disponible chez Carrefour et Auchan. Ben, c'est fou, c'est un hasard. Ah ouais, c'est non, incroyable, non. J'avais pas du tout prévu. Bah bien sûr que non, il vit. Moi, ça a pu l'être. Moi, j'ai plein de potes qui le portent tous les jours. Non, mais ouais. En vrai, il est bien. Mais moi, quand on me l'a proposé, on m'a dit sa taille grand. Hein. Donc j'ai dit bon bah S, il est beaucoup trop petit pour moi. Ouais, bah cela dit, moi je trouve qu'il taille grand, effectivement. Moi, ouais, je flotte un peu dedans. Tu l'as pris en quelle taille? XL. Mais ouais, j'ai un peu perdu. Ok, le gars. Je vous le dis, voilà. Il taille grand, XL, enfin. Bah oui, mais moi je prends du XL d'habitude. Arrête. Bon, allez. Le record du plus grand. Tour de Jenga. Non. Non. Ça a rapport avec un jeu? Non. Un château de sable? Non, avec la région, vraiment, c'est lié à la région. Une construction? Ah, est-ce que c'est un truc avec le hangar à bananes? Non, pas du tout. Avec le quoi? Le hangar à bananes. De Nantes? Le hangar à bananes, c'est quoi? C'était un gros lieu. Comme un gros hangar, par exemple. Un vieux hangar dans lequel ils stockaient des bananes, je crois, l'ancienne. Et, non, mais c'est lié à la. Comment dire? À la traite négrière, il me semble. Ah, d'accord. Okay. Oh, super l'ambiance. Ambiance, quoi? Ah ouais, sympa. Super l'ambiance. Est-ce que c'est un rapport avec le plus grand, une sorte de record de quelqu'un qui s'est abstenu de faire quelque chose? Non, c'est vraiment un objet. Un truc qu'ils ont construit, mais est-ce que c'est quelque chose qu'on peut construire comme ça? Est-ce que nous, on en a construit potentiellement dans notre vie? Mais eux, ils en ont fait un immense. Non, mais par contre, vous en avez forcément croisé. Croisé? Ouais. Une éolienne? Non, mais bien vu. C'est en bois? Non. C'est en tissu. Voilà, non mais. En tissu. Un falzar. Non, pas un falzar. On en a croisé. Un vêtement tissu, ou pas? Un drapeau. Un drapeau. Le plus grand breton. Attends, mais je croyais que Nantes, c'était genre pas la Bretagne. Mais alors justement. Ils essayent de dire le conflit. Pour montrer qu'ils sont bretons, ils ont juste fait le plus grand drapeau. Mais ça marche pas en fait. C'est un forceur, putain. Le château des ducs de Bretagne à Nantes n'a jamais aussi bien porté son nom. Ce dimanche, en fin de matinée, un gigantesque drapeau breton, le plus grand au monde, a été déployé symboliquement à l'initiative de partisans d'un référendum sur le rattachement de la Loire-Atlantique à la Bretagne. Ce Gwenadu, il y a un G pourtant. Ah. Gwenadu, je sais pas. Eh, pardon les Bretons, hein. Géant de 1400 mètres carrés, donc c'est vraiment un. 1400 mètres carrés? Ouais. Wow. 1,4 mètres. Ah ouais, c'est un. Ah, c'est un gros, hein, c'est le plus gros du c'est monde. C'est vrai hein. Que ça manquait, les drapeaux bretons, il y en avait pas. Ouais, beaucoup. Bah vous allez voir, les stades et tout. Ah, tu sais qu'il y a un fight, hein, drapeau algérien versus drapeau breton. C'est une vidéo qui cartonne. C'est une vidéo Golden 2014, ouais. Ou Rassemblement National. On oui, sait voilà, pas, c'est vraiment deux. Là. Bah ouais, tu sais, à l'époque, Golden, il y avait des bails. On peut le dire maintenant, ça n'existe plus. Golden était financé par l'extrême droite. Ce Gwenadu géant, à 2400 mètres carrés, long de 46 mètres sur 31 mètres de large et pesant 300 kilos, oh là là, a été déployé au sol en face du château en présence d'une centaine de personnes. Ça m'énerve un peu. Parce qu'une fois que tu as fabriqué, t'es genre. Bah ouais. Voilà, on a un truc de 300 kilos, ouais. Qu'est-ce qu'on en et fait? Et il est où maintenant? Il le plie, ça prend 8 ans. Il faut un camion pour le transporter. Il y a Marie Kondo qui arrive qui fait non, pas du tout, vous refaites, ça fait en refaire une semaine. Ça vous procure de la joie ou pas? Non, personne, bon, brûlez-le. Est-ce que vous avez des fiertés régionales de là où vous venez? Je sais même pas d'où tu viens, Freddy, où est-ce que tu es né? Bah, dans le 93, je sais pas si j'ai des fiertés. Attends, laisse-moi réfléchir, oui. Le gymnase. Ouais, si, un peu. Si, c'était pas mal, hein. Ouais. NTM. Oui, Tandem également. Ouais, oh, de Staflex. Mbappé. Mbappé. Basket. ouais. Ouais, Yvick, toi, Grenoble. Calogero. Ok. C'est vrai, Grenoble, Calogero. Putain. Serge Papagali. Oh. Et Calogero avant d'être Marie Calogero. S'infiltre. Non, Marie S'infiltre. Ah, c'est génial, Marie S'infiltre. C'est bien, ouais. Le mot fierté peut-être peut utiliser un peu généreusement. Il y avait une anecdote sur Calogero. Ah non, c'était quelqu'un sait le nom de son groupe. Non. Qu'il avait avant d'être Calogero. Attends, c'est une vraie devinette ou tu. Ah oui, je l'ai pas. Moi, je l'ai pas. J'ai pas la réponse. C'était, non, c'était pour rechercher des petits souvenirs. C'est un nouveau jeu. C'est un jeu dans le jeu. Il s'appelait dans le groupe les Chartes. Ah, donc c'est pas un jeu, c'est une. Mon père écoutait ça. Ah ouais, ouais, ouais. Ah, trop bien. Ah là là. C'est un je sais pas si c'est il y avait bien. Une chanson qui s'appelait cool. Vas-y, go Freddy. Et ton prénom vient de cette chanson. Ah, exactement. Ouais. Vas-y. Vas-y, go Freddy. Il faisait la pub aussi Speedy. Vas-y. Vas-y, go Freddy. C'est exactement ça. Sammy Boisgila qui vient de Grenoble. J'aime beaucoup ça. Sammy Boisgila. Super acteur. Acteur de films policiers français. Moi, je connais. Et toi, Adrien? Indigène. Moi, je suis né à Saint-Germain-en-Laye, ainsi que Albert Dupontel. Ah oui, c'est vrai. Et, pas mal. Et c'est déjà pas mal. Il y en a d'autres. Mais attends, c'est pas toi qui. Attends, j'ai l'impression que dans un podcast il y a pas longtemps on avait dit. Ah non, c'était. Non, pas du tout. C'était Montreville. Et Matteo Guendouzi aussi, il vient de Saint-Germain-en-Laye ou pas? Il est né à Poissy, je crois, mais il a grandi à Saint-Germain-en-Laye. Mais attends, tu sais ou pas? Bah oui, je sais, c'est pour ça que tu m'as. Parce que je connais l'anecdote. Ça a été l'éducateur, le moniteur. De centre de loisirs. Je l'avais, Matteo Guendouzi, comme enfant. J'ai eu vraiment une révélation. Bah, j'ai déjà raconté dans un podcast, mais c'est pas vrai. Je regardais PSG Marseille chez mon frère. Et t'as dit Marseille. Et je vois le joueur, je l'avais jamais vu en fait, Matteo Guendouzi. Et je fais, ah ouais, et là, la révélation, je vois le visage du gosse. Il avait 6 ans à l'époque, quoi. Ok, il marque un but et puis il lève son maillot et il a ta tête dessus. Et il dit, merci beaucoup, Adrien, c'est grâce à toi. C'est toi, Adrien, ça. Non, toute cette motive que tu m'as offert. Il ne lit même pas mes DM. Non, je sais même pas. T'as essayé de le DM? Je sais plus. Peut-être. Non, soit le jeu, tu sais. Peut-être. Tu sais. Regarder. Non, je crois que j'ai tenté un. Non. Non, t'as tenté. Non, tu non, peux pas croire que t'as tenté. Non, pas un DM. Je l'ai mentionné dans une story. Je sais pas quoi. Bon, mais quand t'as beaucoup de notifs, tu vois pas les mentions dans les stories. Surtout un soir de match. J'imagine que tu les vois pas. C'était pas un soir de match. C'était. Non, mais après, voilà. Un dentiste a fait parler de lui du côté de Marseille. À votre avis, qu'a-t-il fait? Une sorte de docteur du guide là-bas. J'allais dire. T'as dire quoi? Non, rien. Bah rien. Tu veux pas faire de montage? Ah oui, c'est vrai. C'est le dentiste le plus riche du monde? Alors non, ce n'est pas le lui dentiste. Lui et son père, non? Non. C'est lui et son père, par contre. Bien joué. Ah, c'est ça. Ils ont, je sais pas, ils opéraient. Je sais pas, un truc genre, ils avaient 15 patients à l'heure, un truc dans le genre. Alors, il y avait beaucoup de gens. Il vient d'avoir un procès là, oh c'est là ça? Là, c'est mais le premier dentiste. Je suis sur la cul, moi. Tu le sais, en fait. J'étais sur 20 minutes là, à l'instant. Il le sait trop, en fait. Vous savez que 20 minutes, je le lis en 15. Voilà, vous avez juste l'info. Oh, okay. Enfin, je veux dire que je suis tellement accro à l'actu que waouh. Moi je vais vite. Freddy l'actu. Premier dentiste. Enfin quoi. Peut-être. Wow. Non, ça coupe ça. Ça coupe. Ça coupe. Là il y a un petit. Peut-être une petite rustine là, mec. Je sais pas. Hein. Non, ouais, pas forcément. Vous savez quoi, j'en laisserai un et je vous dis pas lequel. Voilà, et c'est un peu le piège. Mais c'est, donc oui, tu l'as, Freddy. Oui, c'est qu'à chaque fois, il proposait des couronnes. Il allait très vite. Carie. C'est ça, il allait très vite. Il faut savoir que ce dentiste et son père sont jugés par le tribunal correctionnel de Marseille. Ah. Ils ont plus de 300 plaignants à qui on promettait un sourire de star. Ça fait beaucoup là, non? Oh. T'es un mème, mec. Le mème. C'est vrai, j'ai la ref. T'es un mec. Vous voulez que je le refasse ou pas? Vas-y, fais le mec. Attends, chute, il va le faire. Bougez pas. Attends, faut dire peut-être un truc. Redis le truc. 300. Alors donc du coup, il y a eu 300 plaignants pour ce dentiste. Encore. Ça fait beaucoup là, non? C'est le vrai. C'est le vrai. C'était pas un enregistrement. Un peu moins bien. Non, différent. Tu pourras faire d'autres mèmes pendant l'émission de toi. Bien sûr. Ça fait plaisir. Moi, je rêverais que pour les JO, tu rentres dans le stade, tu viens et tu fais juste cette phrase, tout le monde applaudit et tu t'en vas comme une chanson en fait. Je croyais que t'allais dire au JO, il y a une compétition de mèmes. Ça sera trop bien, n'empêche. Ah bah là. Mais pour l'ouverture quoi, tu vois. Oui, c'est ça, comme genre la mi-temps du Super Bowl. Ouais, exactement. Ah, et tu fais ça en fait. Les gens qui font l'engagement au foot. C'est ça, exactement. Ça fait beaucoup là. Franchement, pour un engagement, ce serait incroyable. Et après, deuxième mi-temps, c'est Denis Brognard qui fait. Et après il enchaîne. Aurel San vient dire ah c'est marrant. Ah, j'irai à tous les matchs qu'il y aurait dans ce stade. Ce serait fou. Il y aura aussi qu'est-ce qui est jeune et qui attend. Enfin, Jonathan. Il viendra tous. Et là, quel âge maintenant lui? Parce que c'était en quoi, 2017? Il a 50 ans. Ouais, c'est fou, ça file de ouf. C'était une vieille vidéo à l'époque qu'ils avaient ressorti, il est ultra vieux. Non, il avait déjà 42 ans à l'époque. Il faisait très jeune. Il aussi, je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Vous vous rappelez, on ressort tout? On ressort tout ou pas? Allez, c'est ça. On ressort tout, allez. Laisse tomber le jeu, c'est juste on cite des mèmes. Qu'est-ce qui vous fait dire que je suis un homme? Bien sûr. Tu dis, on cite des mèmes, le même, une salle de spectacle que nous avons remplie en quelques heures. Oui, voilà, faut le dire. Il faut le dire. D'ailleurs, quand on a dit. T'as parlé des Jeux Olympiques, Olympia, on l'a rempli. L'Olympia, très vite, ouais, une salle de pas si facile à remplir en plus. Non, on l'a rempli. Après, on va arrêter parce que bon, ça se trouve, ça va être un fiasco et les gens vont être extrêmement. Oui, parce qu'on n'a pas préparé le spectacle encore. Pour l'instant, on n'a rien, mais on a le temps, ça va. Oh, ça va. De toute façon, vous aimez bien, c'est le côté un peu bricolage que vous aimez bien, je pense. Mais qui sera mal la place. Mais qui se rassure un petit peu. Bah, vous aimez bien, c'est un peu. C'est le côté mauvaise gestion. Le côté un peu trop cher pour ce que c'est. C'est ça que vous aimez dans le podcast, non? Non, mais on l'a fait. En vrai, on l'a vraiment fait au minimum par rapport à ce que ça coûte, vu qu'on va déplacer des invités, gérer leur logement et tout. Il y a des fauves. y a, mais je veux pas trop spoiler. Il y a des fois, il y a le groupe fauve. Vous voyez cette symbiose là, ça sera pareil sur l'Olympia. Excusez-moi, je suis ravi. Bon, je reviens au dentiste, pardon. 300 plaignants. 300 plaignants, certains ont dit je n'arrive plus à gérer la douleur, je suis bourré de comprimés. C'est pas des vraies dents? Non, c'est des trucs, mais il y a des photos vraiment atroces de genre quelqu'un qui a une mèche métallique coincée dans une dent. Alors que oui, il venait pour trois fois rien. Oh, ouais, voilà. Et je suis désespéré car j'ai pas les moyens de refaire mes dents. Donc voilà, il a vraiment mis des gens dans la merde. 300 personnes jugées pour violence volontaire et entraîné une mutilation. Je savais même pas que ça. Ah non, c'est horrible. Hein, il a fait une infirmité permanente et pour escroquerie. Il y a tellement de ça se savait pas. Il y a tellement de plaignants, pardon, qu'ils vont être entassés dans une ancienne caserne, voilà, pour pouvoir accueillir tout le monde. Parce que sinon, ils ne tiennent pas dans un, dans un tribunal. C'est un stade, quoi. C'est un spectacle. Stade où, où ils vivent, de trois même, d'ailleurs. Mais j'avais lu que c'était, j'avais lu que c'était le, pendant une année, je crois, les dentistes les plus riches. Ah, c'est possible. De France, c'est sûr. Ouais. Voire peut-être d'Europe. Mais ils ont brassé. Peut-être du monde. Ouais, franchement, qui fait le classement de l'univers. Qui fait le classement des dentistes les plus riches d'Europe? Un mec qui a très belles dents. C'est une bonne question. Un mec qui a des super belles dents. Bah, je pense lié au chiffre d'affaires que tu déclares. Oui, c'est ça. C'est avec les impôts, mec. Les impôts, ouais. Bah ouais. Moi, je suis pas simplement. Je suis pas assez adulte. Apparemment, il connaît pas les impôts. C'est inquiétant, ça, Yvick. Oh, bim. Ça fait beaucoup j'ai là, trouvé, non. J'ai trouvé un mème, ouais. Quelques fois, je. Est-ce que vous avez eu des. Mais comment vous m'avez trouvé? Ah oui, c'est un peu. Oui, ouais, pas mal. Est-ce que vous avez eu des. Alors, t'es dans la sauce piquante de tes pizzas. Oui. Piquante, mes pizzas, c'est lui, que je suis carrefouré au champ d'ailleurs. Bien sûr. Et tu vends aussi la sauce piquante que tu nous as offert dans le merch ou pas du tout? Non, ça c'est oui, dans, justement. C'est de l'huile piquante en de vrai. De l'huile piquante. Parce que moi, ils m'ont dit, ah, on t'enverra la sauce piquante et tout. Je dis, ah, j'en mets. En fait, c'était de l'huile piquante. Ouais, son petit peu de colza. Ah, ouais, c'est moins bien. C'est pour ça qu'il a pas fait de story. C'est moins bien. Si, j'ai fait une story. J'ai fait une story. C'est moins bien du coup. Je t'ai pas mentionné. Après, il est expert en sauce piquante. Je sais pas si les gens ont l'info de la sauce piquante. Non, mais j'adore la sauce piquante. Je me dis, ah putain, ils ont fait un truc. Est-ce qu'on peut débriefer ça quand même, Adrien, parce que depuis que tu es, bah voilà, tu as partagé au monde entier. Influenceur. Influenceur. Très bon titre, ça. Attention, influenceur. Amazon Prime, ils achètent ça. Est-ce que tu as eu des points en plus? Est-ce que maintenant que c'est public, parce que t'as dû parrainer des millions de gens depuis? Oui, mais après je vais pas dire. Non, mais est-ce que tu es très bien placé, sans dire des trucs très précis? Mais placé, c'est-à-dire? J'en sais rien, je sais pas comment ça marche. Dans le, bah en tout cas, c'est Yvick. Ah. Ah là là. Il a chié sur le micro. Et alors? Ça tu laisses dans le montage. Bah oui, évidemment. Sachant qu'il est parti chercher de la gorge. J'ai vu descendre la bulle. Il est allé le chercher à Bordeaux. Il a pris un Ouigo. D'ailleurs, Bordeaux, n'hésitez pas à remplir les salles. Alors apparemment c'est complet. J'ai eu le gars de la combo. N'hésitez pas. Vous êtes charmé. D'ailleurs, il y a un prank depuis le début de cette émission, Adrien. Freddy n'est pas ca... Non, si, il l'est. Tu parles dans un micro dans lequel Yvick a lâché une caisse. Bravo. Nickel. Bravo. Aucun problème, j'ai un masque. Moi, je garde mon masque tout le long, moi. Il a enlevé son masque pour péter, c'est bien. Oui, mais ça, il avait besoin. Il a dit ça a été étouffé. Non, mais sans rentrer dans les détails, en tout cas, le site saucepiquante.fr m'a envoyé un colis spontanément avec des sauces piquantes pour me remercier de soutien déjà. Putain, pas mal. Et après, c'est vrai que avec le code de parrainage, j'ai de quoi m'acheter quelques sauces piquantes. T'as monté un petit empire. Un petit un trafic, ça s'appelle. Oui, c'est vrai, ça. T'as vraiment collab avec quelque chose. Non, c'est pas une collab, c'est juste n'importe qui peut avoir un code parrainage, ouais. En fait, comme sur beaucoup de sites. C'est juste que moi je l'ai mis en story et donc apparemment beaucoup de gens aiment les sauces piquantes, je savais pas. Ah, c'est fou. Et du coup, j'ai quoi m'acheter quelque chose. T'aurais dit le chiffre, Yvick aurait pu dire ça fait beaucoup là, non? Du coup, on frise de ça, mais bon, tant pis. On l'a déjà fait, mais j'espère qu'on le refera parce que putain. Est-ce que vous avez déjà eu des soucis avec un dentiste ou un ophtalmo ou quelque chose, hein, quelqu'un qui vous a dit ça pue du cul pour vous? Moi, j'ai une fois, je suis allé chez le dentiste, je lui ai dit j'ai une carie, je crois, et il m'a examiné, il a fait vous avez 12 caries. Ah ouais, d'accord. Voilà. Donc il a dit donc on va se revoir, et donc je suis allé plusieurs fois chez le dentiste. Et aujourd'hui, tout va bien. Aujourd'hui tout va bien, sauf que un jour je mangeais il y a pas si longtemps, il y a genre 2-3 ans. Okay. Bah c'était après le Covid, donc il y a pas si longtemps, même pas trop longtemps. Ah oui, un an et demi. Je mangeais un dragibus et il y a vraiment un morceau de ma dent qui s'est enlevé, quoi. Donc j'ai dit ah, ça fait beaucoup de dents. Ah, je suis d'accord. Et donc je suis allé chez la dentiste et elle m'a dit là à ce stade-là, c'est en fait il a fallu qu'elle fraise tout autour du trou machin. Et après c'est genre tu mets un, enfin tu colles un faux morceau de dent. Oui, moi j'ai ça sur la. C'est une fausse dent que j'ai devant et j'ai ça aussi. Et un faux morceau de dent collé à la dent. Et moi, donc, elle a fait un moulage, machin, elle me l'a collé. Et j'ai constaté après que j'avais mal à cette dent quand je mâchais. Aïe, aïe, aïe, aïe. Et donc, je lui ai dit, j'ai mal à la dent et tout. Elle me dit, oui, non, mais ça peut être normal au début, mais ça va passer. Et c'était il y a un an et demi, j'ai toujours mal, donc je pense que j'aurai mal jusqu'à la fin des temps. Voilà, voilà toute ta vie. Ça, ça cool peut toucher les nerfs, un truc dans le genre. Bah, je sais pas, il y a un truc, je sais pas, il suffit qu'il y ait peut-être une bulle d'air de. J'en sais rien, mais en tout cas. Ami dentiste, dites-nous, peut-être. Voilà, voilà non, je sais pas, mais en tout cas, je. Bon, c'est pas une grosse douleur, mais. Ça fait chier. Tu sens le petit. Mais c'est le caillou dans la chaussure. Ça me fait me sentir vivant, tu sais, je suis mort à l'intérieur un peu. Donc, quand j'ai envie un peu de me sentir vivant, je mange les chips du côté gauche. Putain. Freddy, toi ? Bah si t'as rien, dis non, rien. Non, il y a quelque chose, sûr qu'il y a quelque chose, sûr qu'il y a quelque chose. Il dit que t'as un truc. Moi j'ai juste ma dentiste. J'ai carrément dit où j'habitais, bonsoir. Non, je reprends. Vas-y. Moi j'ai ma dentiste qui me fait jamais payer. Donc c'est très gênant. Parce que c'est elle m'apprécie mon travail et tout. D'accord. Elle aime ton contenu. Et là où je vais, c'est pas un dentiste spécialement. Enfin, les gens payent quoi. Tu sais ce que je veux dire, c'est un dentiste gratuit. Quoi. Ouais. Donc je me retrouve toujours gêné quand elle passe derrière le bureau de la secrétaire et qu'elle fait. Non, c'est bon pour vous. Elle s'appelle Zach le dentiste. C'est ouf. Alors, tu dois faire quelques stories. Tu payes pas. Tu dois faire quelques stories avec c'est elle. Ou tu fais un lip sync sur Zach derrière l'artiste dentaire. C'est incroyable. Ouais, et à chaque fois ça me gêne parce que y a vraiment des attends, gens, des familles, des dents. Zach Carey. Oui. Oh. Sans transition, votre avis sur Batman. J'ai vraiment bien kiffé. Mais en fait, dans le dernier podcast, on a dit on aimait beaucoup. On l'a vu avec Evic. Une violence très sèche et bien. Ah, vous l'avez vu ensemble. Ouais. Moi, j'ai dormi pendant une heure. C'est vrai. J'étais fatigué. Après, les sièges étaient incroyables. T'as vu deux tiers du film malgré tout. Ouais, c'est très long. Dure 3 heures. Pas mal. Et toi, je me suis fait circoncire 2 fois wow. Par un dentiste. Ah tiens donc. Ouais. C'est fou cette histoire. En fait, c'est vrai ou pas? Ouais, c'est vrai. Ah, génial. Une première fois, j'ai dû me faire circoncire. D'accord. Et puis j'ai trouvé qu'il me restait quand même un peu trop de peau. Je me suis dit bah ouais ça pend, il y a un truc pas ouf et tout. Du coup je suis parti voir le gars pour lui dire regardez un peu et tout, il reste un peu trop de peau. Il a dit ouais écoutez on va faire mieux, on va le refaire. Et je me suis dit bah je vais le faire avec quelqu'un d'autre. Ah bah oui. Je suis parti voir un autre spécialiste, il m'a dit ok c'est bon je vois. Et il m'en a retiré trop. Aïe aïe aïe. C'est incroyable. C'est à dire que du coup on t'a fait une greffe après ou ça. C'est quoi trop? Et bah trop. Ça tire sur le frein. C'est à dire que la première réaction que j'ai eue, ah ouais, genre la peau de mon dos était tendu, ta souris vers ma bite. T'as bandé ta souris, t'étais parti en arrière. Et ben, en réalité, j'avais entendu un truc il y a longtemps quand j'étais petit, j'avais entendu un truc à la radio d'un gars qui avait appelé pour dire qu'il s'était fait circoncire et qu'on lui avait retiré trop de peau et que depuis sa vie sexuelle était horrible. Parce qu'à chaque fois qu'il avait une érection, ça lui faisait mal. Ça lui faisait mal, ouais. Mais est-ce que quand il t'a enlevé la peau. Aïe aïe aïe. Est-ce que quand il t'a enlevé la peau, t'as dit ça fait beaucoup là, non? Deux fois encore. Ouais, exactement. Et donc à la première érection, je sens une douleur et je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Et je me rends compte qu'il a trop coupé ce bâtard. Là, il a vraiment genre gardé en plus. Tiré t'as pu en remettre. Et bah du coup, ce qui se passe dans ces cas-là, c'est que solution qui vient des États-Unis, parce que là-bas il y a plein de gens qui se font circoncire. Ils sont très forts en peau de bite. Peut-être les pires circoncipteurs de France, de monde, pardon, les États-Unis. Et du coup en fait, tu as une sorte de machine qui s'accroche à ta bite. D'accord. Et c'est une sorte d'élastique. Ok. Et en fait, tu fixes ça par exemple à une table, admettons, à une table ou en tout cas à ta jambe ou à ton pied. Et en fait, ça te tire en permanence la peau de ta bite pour qu'elle se tire. Parce que toutes les peaux sont extensibles. Oui, ça je sais. Bien sûr. Tu vois. Et du coup, bah voilà, j'ai gagné centimètre par centimètre. Et aujourd'hui, aujourd'hui, j'ai une peau qui descend jusqu'à mon mollet. Ah ouais, j'avoue. Là, vous voyez pas, mais là, il nous montre. Allez, là, attendez, je vais. Je crois qu'il avait marché dans un chewing-gum. Ah ouais, d'accord. Ouh la vache, ça descend juste. Ça change la couleur en plus. Mais oui, c'est ça, c'est ça qui est fou. Et attends, quand j'éteins j'éteins la lumière. Regardez. Ça brille. Oui, on a ajouté des petits trucs dessus. J'ai du temps qu'à faire, il y a une deuxième opération. C'est vrai qu'effectivement, avec les lumières bleues, ça ressort bien. Tu peux te faire de l'argent avec ça, mec. Ouais, c'est vraiment. Mais tu l'as fait tatouer. Ouais, c'est juste là en dessous, là, regarde, hop. Ah, mais c'est un portrait de. Mais c'est Ricky Carmichael, le pilote de moto. J'adore la moto et le NASCAR. Et du coup, à côté, il y a une petite référence. Ah ouais, d'accord. Putain, c'est très stylé. Ça me fait plaisir. De méthode ouf, américaine. Ouais, moi, j'ai eu une petite rupture du frein il y a de ça des années. Oula. Il y a de ça des années sur. sur une chanson qui m'a marqué, Sweet Dreams de Marilyn Manson. Je me souviens très bien, on était allé voir Tron 2 ensuite au cinéma. Déjà. Non, mais il y avait, c'était en shuffle. Sale ambiance pour moi. Ouais, mais sale ambiance. Bah, on égorgeait des poules, enfin tu sais, c'était très sympa. C'est une orgie dans le sang, tout simplement. Et en gros, juste elle a bougé à un moment où j'avais pas prévu qu'elle bouge et j'ai tapé à l'intérieur. Donc, moi je pensais que ça lui ferait mal aussi, pas mal du tout. À l'intérieur. Et à l'intérieur de la dame. Oui, c'est ce qu'il faut faire normalement. Bah, c'est ça, mais elle a bougé et donc j'ai tapé dans un os à l'intérieur. Ah, d'accord. Dans un os à l'intérieur. Il y a des os à l'intérieur du vagin, apparemment. C'est comme le KFC quand tu grattes, il y a des petits bouts d'os. Bah, c'est pareil. T'as des grosses lacunes en anatomie dans ce podcast. Attends, les vagins, c'est comme les tenders du KFC. Là, je le dis aux gens qui sont vierges. Ouais. Quand vous verrez, c'est n'a rien de différent. C'est la même chose. Avec la sauce creamy de luxe. Et au bout, du coup, c'est quoi le truc dur? C'est la boîte? Non, c'est des petits os, des petits bouts d'os. Ok. Des fois, il y a des petits os. Bon, bref. Nicolas, bout d'os d'ailleurs. Oh là là, bonsoir. Non, mais. T'es là, toi. Bah, attends. Et donc, j'ai tapé à l'intérieur, j'ai eu très mal, j'ai pissé un peu du sang par. En fait, j'ai pas eu une rupture totale, mais partielle. Là, on est dans un floodcast à l'ancienne. À l'ancienne, et ça a cicatrisé tout seul. Je n'ai pas été voir un médecin, rien. Mais le lendemain matin, ça a cicatrisé un peu contre le caleçon et ça c'était un peu douloureux. Non, ça c'est comme du velcro, il a fallu enlever comme du velcro, hélas. Aïe. Et si aujourd'hui, et si à l'époque il y avait Instagram, est-ce que tu aurais fait une story pendant Une story bandant. Une petite story avec un sondage, non. Peut-être. Avec un sondage, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais à l'hosto? Je tire d'un coup. C'est vous qui choisissez. Genre en mettant de l'eau chaude. Ouais, mais tu savais pas. En fait, j'ai descendu mon slip. Oh là. Voilà. Aïe. Un Sims, j'étais un Sims, ni plus ni moins. Faites comme moi, enlevez-vous pas la peau, moi j'ai énormément de peau. Mais maintenant, Moi c'est l'inverse. Moi je suis middle. Moi je peux mettre des trucs dedans. Après, plus court. Ah, comme Carlito. Genre quoi? La dernière fois j'avais mis quoi? Ta voiture, la dernière fois, je crois, t'as garé ta voiture dedans, je crois. La sauce piquantée de mes pizzas dispo chez Carrefour au champ. Ça, c'est la meilleure promo pour le vent. Je l'ai mis dans ma bite. Vous savez, on n'est pas au courant, mais il y a une pizza qui a été touchée par la bite d'Ivic et quelqu'un l'a mangée. Ouais. Ça, c'est l'info qu'il va donner plus tard. Il y aura la vidéo. Vraiment, c'est il traîne comme c'est ça. C'est le golden ticket. C'est le ticket d'or de la salle. Golden ticket. C'est l'inverse d'un golden ticket. La bonne bite d'Ivic dans une bonne pizza. La bite d'Ivic dans une pizza. La bite d'Ivic dans une pizza. C'est la bite d'Ivic qui est dans une bonne pizza. La bite d'Ivic dans une pizza. Ça fait beaucoup là, non? La Royale et Chibrita. C'est une 11 fromages du coup. Oh, car il y a une fromage de bite. Oui. Alors, à quand? Ouais, à quand? Quoi? Alors, c'est pas une 10 fromages? Non, c'est une 6 fromages. 6 fromages, aïe, bah, 7 aïe, aïe, du aïe. Coup. À quand Hélène a un métier artistique un peu surprenant? À votre avis, quel est son métier? Eh ben, elle est styliste de pénis. Non, c'est pas en rapport avec la quéquette. Elle est pilote. La zézette non plus? Non, pas la zézette. Elle est préparatrice genre de pilote de voiture de Formule 1. Non, c'est plutôt artistique. C'est artistique. Plutôt artistique, ouais. Elle fait. T'es sympa de dire plutôt artistique parce que c'était vraiment dans la question. Tu l'as dit, mais c'est pas grave, moi je mets à l'aise les gens. Je donne pas les bonnes adresses, mais je mets à l'aise. Plutôt artistique, elle. Elle stream sur Twitch? Non. En rapport avec des animaux? Pas du tout. C'est plutôt en rapport avec la chanson. Elle chante aux enterrements des gens? Non, mais pourquoi pas? Elle chante au ventre des femmes enceintes. Oh non. Est-ce qu'elle chante déjà? Elle chante. Elle chante d'une certaine manière? Non, elle chante à des certains endroits, disons. Dans à la certains forêt. Endroits. Ouais. Pour des plantes? Non. Pour un public particulier? Bah oui, pour des gens qui oui, pour des gens particuliers. Des maisons de retraite? Non. Un cimetière? Non. Enfin, cela dit, peut-être un que lieu de travail. Peut-être que toutes vos réponses sont justes. Voilà, c'est quelque chose que je dis. Parce qu'en fait, elle est chanteuse dans le métaverse. Non. Uniquement pour les gens qui ont un âge précis? Non. Genre pour les. Ok, d'accord. Non, elle chante. Je vais vous dire la réponse. Je pense que vous trouverez. Non. Bah, je sais pas, moi. Donne pas trois réponses. Non, on va trouver, retrouver. D'accord, trouver. Ok. Non, mais elle chante pour. Pour ceux qui sont loin de chez eux. Ah, ça, elle le veut. Je sais pas si elle le fait, mais elle veut le faire. Non, c'est. Je peux pas vous donner beaucoup. Qu'est-ce qu'ils pourraient avoir dans leurs yeux, c'est ça le truc. Enfin, qu'ils aient quelque chose. Est-ce que c'est quelque chose qui leur fait du bien? Non, l'inverse, vous pensez l'inverse? Ils sont allés chez le docteur Guy ou quoi? Quelque chose qui fait mal dans les yeux? Non, mais je sais pas. Bah, ouais, mec. Non, mais je sais pas. Mais ouais, mais. Elle chante pour des gens. Donc attends, ce qui est particulier, c'est les lieux dans lesquels elle chante? Non, ce qui est particulier, c'est qu'elle chante pour des gens. Donc c'est les gens pour qui elle chante. Tout le monde fait ça. Bah alors des non. gens, elle chante pour des personne sourde ? Non, elle chante. Je vais vous dire la réponse. Je suis désolé. Est-ce que je pense que vous la trouverez pas ? Elle chante tout simplement à la demande contre de l'argent. C'est-à-dire que vous pouvez appeler Hélène et lui dire. C'est Hélène Rollès, pardon. Non, c'est pas Hélène Rollès. Et lui dire, bah, viens chez moi. Enfin, viens chez telle personne. Déjà, chez... d'où il la tutoie il oui, la connaît pas. C'est vrai. Il y a un respect quand même. Non, non, c'est vrai. Peut-être qu'elle la voit. Venez chez moi. Venez. Ouais. Non, mais venez chez ma petite amie, par exemple, et chantez-lui. Que notre je chanson. T'aime ah, de Johnny Hallyday. Ah, okay. Un peu comme les quartettes là dans les séries où mais des fois les gens ils envoient. Mais ça c'est elle bien, elle bosse pour une boîte qui s'appelle Offrez une chanson, voilà. Et en gros tu lui envoies un, tu lui demandes de faire une chanson pour quelqu'un et elle le fait quoi, tu vois. Mais ça existe déjà non? Bah c'est en fait c'est un vrai truc moi que je connaissais pas que j'ai découvert. Okay. Et apparemment il y a un film qui est sorti récemment qui parle de ça. Ah c'est ce que j'allais dire mais je crois qu'en fait c'est un film qui était pas encore sorti parce que dans ma tête là c'est un lien Vimeo que j'ai mais bah, du coup j'ai déjà vu ce le bras long de Freddy dans le cinéma. J'ai déjà vu ce truc là, je l'ai vu en avant-première. Oh là, le bras tellement long. Je crois que j'ai fait il se prend dans un film ou quoi ouais, j'ai fait un petit retour, personne m'a écouté là-dessus à mon avis. Voilà. Donc bon, mais ouais oui c'est moi je l'ai du coup. Et elle chante tout type de chansons. Voilà, tout ce que vous voulez. Donc là en l'occasion c'était pour l'occasion c'était la Saint-Valentin. Donc elle a chanté dans son répertoire 57 chansons d'amour. Genre tu lui dis les gros nichons. Bonjour. On y va pour les gros nichons. Si je lui demande du gazo, elle peut chanter du gazo. Elle peut chanter du gazo. Faut lui demander son répertoire. Faut voir elle a le répertoire avant. Oui, je pense qu'il faut. Mais peut-être qu'elle fera une reprise acoustique de rap français énervante du coup. Dans une vidéo YouTube avec la sèche du coup. Ouais. Voilà. Mais ça après ça fait début sur Combini. Comme les meufs, il y avait des meufs qui faisaient un truc NTM là, viens dans ma benne. Bah c'était Brigitte. Pour le coup, elles ont tonne quart de ouf. Ouais. Est-ce que vous avez fait des petits boulots avant? Alors toi, Yvick, c'est compliqué parce que ça a cartonné très vite sur internet. J'ai fait une fois un boulot. Alors c'était quoi? C'était OnlyFans. Allez, bonsoir. c'est à la mairie de mon village, au service technique. Je faisais les Lordos. Hein? Les Ordos? L'ordinateur? Non. Je faisais le comment on pourrait appeler ça le trackpad. Standardiste? Non. Le service technique, c'est en mode. Manutentionnaire quoi. Ouais enfin tu les je sais pas comment. Il se souvient pas de son poste. Je sais pas comment. Tu faisais quoi dans ton métier? Bah oui, on tondait les pelouses des jardins des parcs. Ah oui, gardien. Entretien. OK, d'accord, entretien. Ça va, c'était cool. Bah ouais, à l'époque ça m'avait fait un peu de bif, j'avais c'était l'été de mes 16 ou 17 ans, donc j'étais trop content. C'est ce salaire là qui a fait l'effet boule de neige qui fait que maintenant t'as acheté ta caméra, très bon investissement, t'as tourné dans ta chambre. Franchement il y a moyen qu'il y ait un lien. Ouais, j'ai acheté un ou deux trucs, les pizzas. Non c'est ma caméra, je l'avais eu à Noël, donc non, complètement privilégié. Non mais t'as... toi Freddy, donc il y a un lien avec le christianisme en fait dans ta carrière. Oui, c'est oui. Le christianisme un qui a financé le ouais, un lien. C'est ouf, c'est fou ça. On le dit pas assez sur ton Wikipédia. Non ouais. Freddy, toi? Bah pas mal parce que moi en vrai je vis l'artistique depuis avant du chemise. Il en a même volé. Ah bon? C'est quoi cette histoire? Voleur de chemise? Bah oui. Il vendait des chemises puis tu t'en es pris une pour toi. A volé Freddy, a volé la chemise, a volé Freddy, a volé la chemise. J'aurais plutôt fait l'orange du marchand. Ah. Il a volé, a volé, a volé, a volé, a volé, a volé, a volé, a volé, a volé, a volé, a volé, a volé, a volé, faut dire le truc au bout d'un moment. Non, chanson. Si j'imagine le chef d'orchestre. Alors super, faut dire le truc qui vole à un moment, c'est juste ça. Oui, mais non, super. Oui, mais si on sait pas, bah dites l'orange. Ah, dites un truc au pif. Mais je crois que la chemise, je l'avais déjà dit dans un ancien. Dans un floatcast. Floatcast, donc vous direz, voilà, dans les archives. Dans les archives. Voilà, et c'était un patron horrible à Châtelet-Léal, j'y étais tout à l'heure d'ailleurs, le patron de Brice, qui m'envoyait chaque midi aller chercher une demi-baguette, mais comme c'était pas mon taf, et ben je lui léchais la baguette dans l'escalator à ce fils de pute. Allez! Parce que c'était pas mon taf! D'accord? Je lui léchais la baguette, j'adore cette phrase. Voilà, je mettais des petits coups de langue et à chaque fois il me disait merci quand je lui amenais, et je me disais bah je t'en prie, fils de pute. Allez! Oh, il la clash de ça. Ça n'est pas mon taf! C'est ce qui t'a inspiré le Vine avec Anis? Ce patron C'était le Vine d'Anis, mais il connaît tout toi. Mais je l'ai vu sur TikTok genre hier, ce Vine. Les gens le postent en disant c'est un grand Vine, c'était marrant. Vous avez vu le retour du dab sur TikTok? Ah ouais, non, c'est vrai. Ouais, ils essaient de faire revenir le dab en ce moment. Ils essaient. Ouais, c'est McFly Carlito, je pense. Ils essaient de faire revenir le dab. Je pense que c'est eux. Ouais, sur TikTok, McFly Carlito, ils ont pas bonne presse depuis une certaine chanson qui fait TikTok Girl. Et donc, Freddy, tes petits métiers. Mais bah, attendez, c'est eux. Je pense que c'était des Texans qui chantaient. Moi, pour moi, c'était des Texans. Mais Texantrique, toi. Oh. Et donc. Okay. Les petits métiers. J'aime beaucoup pour l'instant ce podcast. On est très bien. Pour le moment, on est bien. Dis-moi. Quoi, des petits métiers. Petit métier, à part voleur de chemise et les chaussures baguettes. Je sais pas, j'ai fait de la mise en rayon. Pas mal. Quel magasin? C'est le même métier pour la série. Auchan, puériculture. Auchan. Du bon, attends, il y avait un rayon là-bas. Si tu bossais encore là-bas, tu pourrais avoir tous les jours en face de toi des pizzas de la maman. Pizza de la maman au rayon surgelé. Tu peux dire combien t'en as vendu ou c'est honteux de le dire dans une émission de radio? Je ne vais pas le dire maintenant parce que je vais l'annoncer d'une façon. Oh, mais t'en as un truc mieux que nous, c'est ça? T'as vendu apparemment, ça a l'air. Voilà, je t'ai niqué ton effet. J'en ai rien à foutre. Il voulait lancer l'info. Tu voulais absolument. Tu voulais être premier, putain. Respecte-nous, on a rempli l'Olympia. C'est génial. Okay. On dirait la télé, t'es que la télé, si tu leur donnes pas les exclus, c'est ils ça. Sont horribles avec toi et te réinvitent plus. C'est ça, c'est devenu ça le podcast. La boucle. C'est devenu tellement fat que si tu donnes pas les exclus, c'est ça. C'est un dire. Alors le youtubeur, là, on essaie de faire de la musique. Waouh, ça a changé. Et donc les petits métiers, Freddy. Bah plein de franchement donc, t'as fait que... autre chose, t'as fait des trucs qui m'avaient dit. C'est quoi le dernier taf de la mise en rayon? T'as même dans la DSL, enfin dans l'internet. T'en as fait combien en tout à peu près? Je sais plus. Non, pas tant que ça, j'ai dû en faire, je sais pas, 7-8. Ouais. Et le dernier que t'as fait avant de commencer à rejoindre FedEx. FedEx. J'étais sur l'aéroport de Roissy. Ah oui, c'est vrai. Et on chargeait les cartons. T'étais pas genre Ouais, chargement. Non mais oui. Pourquoi je suis non, c'est ça. Il faut accueillir les. Il faut parquer les avions. À faire ça. Ouais. Tu l'as fait, donc, ça. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Ouais. Attends, quoi, montrer, diriger les avions? Bah, en fait, il faut parquer les avions quand ils viennent et quand ils repartent. Donc, ouais. Il y avait les petites loupiottes. Je suis pas fou. Et sachez que pour l'anecdote, c'est quand même assez fou. J'avais un pote là-bas qui m'a fait rentrer là-bas à Roissy. Et à l'époque, c'était fou parce que. Le 11 septembre, c'est moi. C'est... J'avais cette blague, j'ai dit, je la fais pas parce que. J'avais vraiment cette blague en tête. Y'a pas de lien. Ça joue à un col. Y'a pas de lien. Non, y'a pas de lien, t'inquiète. Non, c'est vraiment. Y'a peu de chance que ce soit toi. Ah non, franchement, t'inquiète. Non, peu de chance, c'est pas moi. Je vous jure que c'est pas moi. Okay, bon, ça j'ai fait des conneries dans ma vie, mais ça, jamais. Non, mais jamais j'ai pensé à faire ça. Laisser passer Lucas Magnotta à la frontière canadienne. Mais après, c'est le seul truc, c'est la seule. Il m'a dit que c'est pas lui. Moi, je crois les gens, mais je suis naïf. Y'a vraiment une vidéo. Je suis naïf de ouf. Il y a vraiment Freddy qui hausse les épaules, qui fait ah ok. Et il fait vraiment le signe avec les bras, genre allez-y quoi. Mais voilà, bon, voilà, non, mais c'était Magnotta, c'est joli, Magnotta. Magnotta. C'est vraiment un joli nom. Ça aurait pu être une de tes pizzas. La Magnotta. Cannibale. La pizza cannibale. Quelle horreur. Et sachez juste que pour FedEx, j'ai été un moment mis à pied un jour. Parce que j'ai refusé la priorité à un avion. Quoi? Sachez que c'est possible. En fait, il y a tellement d'avions autour de vous à FedEx qu'on les remarque plus parce qu'ils sont là tout le temps, en fait. Ouais. Ils sont là tellement tout le temps et que c'est... Ouais. Et du coup, il y a un moment où j'ai grillé une priorité à un avion. C'est-à-dire qu'il y a un avion qui s'est dit... Mais c'est qui lui avec son petit, sa petite voiture qui passe? Ah, tu roules en voiture. Ouais, okay. T'as des petites voitures et tout. Ah oui, d'accord. Ouais, et du coup voilà, et du coup très vite, tu le sais très vite, hein, à la radio tout le monde hurle, tu dis waouh, qu'est-ce qui se passe? Ah ouais. Et voilà, et donc est-ce que le mec de l'avion est là-bas? Les retards, ça coûte énormément d'argent, bah ouais, comme partout. Ouais. Est-ce que le pilote de l'avion, il a baissé la fenêtre et fait oh, t'es trop bon là? Et puis le temps, c'est un 78 ça, putain. Qui le temps, c'est pour ton cul. Ah, c'est une très bonne anecdote. C'est trop bien ça, FedEx. Non, je sais pas que t'avais bossé dans les aéroports. Ouais, c'est le taf que t'as pas fait. Ça t'a pas fait perdre de l'audition, genre? J'ai l'impression que c'est horrible pour les. Non, mais de l'espérance de vie, oui, parce que je travaille de nuit. Ah, et du coup, ça baisse vachement l'espérance de vie. Bah, c'est vrai ça? Ouais, d'ailleurs, bah, je meurs dans 2 heures si on peut faire vite. Voilà, il est 21h20. On a qu'à dire, on arrête quand tu meurs. Ouais, bah écoutez, on est toujours dans les métiers un peu nouveaux. Mec. Vous voulez une anecdote? Vas-y. En parlant de ce que t'as dit, tumeur et tout, il y a 2 jours, j'ai fait un scanner du cerveau. Parce que j'avais peur d'avoir une tumeur. Ça va toi? Et non, en fait, je faisais une des migraines récemment. Ah. En fait, bon, c'est pas si grave. Moi, j'ai fait une IRM des couilles, moi. Ok. Peur d'avoir une tumeur aussi. Ok. J'avais rien du tout. C'est douleur à la couillasse qui t'a. Pas douleur, mais une masse. Au testicule. Par contre, si t'en fais 50 d'affilée des IRM des couilles, t'as une non, les IRM, c'est des ondes, je crois, donc c'est okay, c'est pas comme radio. Donc ta vanne, tu te la fous au cul. T'as trop regardé le film où Will Ferrell se scanne les couilles, c'est ça? Ouais, voilà. Bon, j'avais oublié que ton frère, effectivement, était vulgarisateur scientifique. Je peux dire des conneries, du coup, c'est de famille, je capte, ok, je respecte, y'a pas de soucis. Non, mais y'a écrit sur le truc des radios X, y'a écrit n'abusez pas. Y'a une photo d'un gars avec un mal aux couilles comme les paquets de clopes. C'est un petit lapin. N'abusez pas des rayons X. C'est un petit lapin comme dans le métro. Oh, je tiens les couilles, le lapin. Oh, ça fait mal. Non, anecdote, je sors de l'IRM. Donc je suis en panique. J'ai peur qu'on me donne des papiers, qu'on ait une énorme tache noire dans mon cerveau et tout machin. Je suis pas bien. Et là, ça m'appelle. Et là, vraiment, les deux secrétaires qui parlent très fort, alors qu'il n'y a que des gens dans la salle d'attente qui sont comme moi, des flippés de maladie, ouais. Qui sont pas du tout mon âge déjà, qui sont beaucoup plus vieux, et qui fait « Oh, Mr. V, énorme! Oh là là, trop bien! Ouais, oh, ouais, on a mangé des pizzas, hein, c'est trop bien! Hein, » parle très fort, fait oui. Et me passe, et me rend mon IRM comme ouais. Ça. Donc ah, t'as une tumeur ou pas? Dis donc, deux tumeurs au cerveau, ça fait beaucoup, là, non, le même que tu fais, là. Mais trop bonnes, les pizzas. Hein. Non, et voilà. Bon, tu n'avais rien, rassuré. C'est un moment quand même nul de se faire reconnaître à ce moment-là. Ouais. Et surtout, mais en fait, ça m'a fait rire, c'est le décalage entre le moment qui est... On sait qu'on vient pas récupérer les trucs ouais, cool, ouais. Quoi. Ouais. Et elle, qui vraiment sort complètement de son cadre, enfin, du taf et du... Enfin, vraiment, c'est... Est-ce que tu peux dire quel hôpital c'était, quel jour, à quelle heure qu'elle se fasse licencier? Ah bah à côté chez moi. Et toi, voilà. Tu te fais reconnaître pour... On dit où on habite apparemment dans ouais, cette ouais, épisode. Cool. Pour les couilles, Adrien, tu t'es fait reconnaître ou pas? Non. Non. Mais il m'a... Mais qu'en voyant les couilles, il a vu les couilles, il fait... Excuse-moi, Adrien Méniel. T'as avec ouais, le masque, vous n'avez pas reconnu. C'est incroyable. Il a vraiment fait un alerte. Ah mais oui, putain. Elle donne moustache. Ah mais oui, les couilles du gars. Les gars, une anecdote où vous vous êtes fait reconnaître dans des moments pénibles? Aïe, c'est un peu mignon parce que moi je me fais pas beaucoup reconnaître. Donc c'est pas vrai, t'es un menteur. Moi je me fais reconnaître à un enterrement, tu sais, les crématoriums. Ah, moi aussi. Crématorium là, et donc t'as plusieurs familles qui viennent. Et genre, moi, bon bah triste, c'était ma grand-mère et tout machin. Et l'enterrement d'après, qui arrive, tout le monde est dépité. Et t'as 4 des jeunes qui sont là et qui me demandent des photos, mais genre, alors que c'est pas du tout le moment, tu vois. Ah là là. Et c'est très dur ça. Et t'as dit non? Bah non, ouais. J'ai dit oui parce que... Ah t'as fait la photo, cette photo existe. Cette photo existe. Ah, c'est ça moi surtout. Mais je l'ai fait parce qu'en vrai t'as un truc et tu de... fais la coupole dessus. Il dab. Ouais je dab comme ça. Ils ont mis maillot, je fais l'album et tout. Des vidéos. Non mais en fait ce qui est relou c'est quand ta famille après te regarde et vraiment t'as envie de te tuer parce que vraiment t'as ouais. Ils sont là en mode à la star. C'est un peu pénible. Ouais, c'est un peu... Mais en même temps, je me sentais mal de dire non à des petits qui, en même temps, eux aussi vivaient un moment pas cool. C'est très bizarre. Il n'y a pas de bonne issue. Quoi, ouais, ça arrive, tu fais bah non, ils font ah ouais, mon père meurt et toi tu fais pas. Elle a vraiment sale cool. Journée là. Alors, t'as raison de pas m'offrir du réconfort. T'as raison. C'est très spécial. Un peu de lumière dans cette journée bien sombre. Merci de m'empêcher d'en avoir. C'est adorable. Mais moi aussi, c'était un enterrement. C'était l'enterrement de la grand-mère de ma copine et c'est donc c'était sa famille donc je les connaissais pas tous enfin tu vois et donc j'étais en plus en train de non c'était pas la grand-mère un grand-oncle ben, bref et donc moi j'étais en train de comment on dit putain présenter mes condoléances à la veuve ouais bien sûr. Et dans mon champ de vision. C'est quoi la phrase exacte quand tu présentes tes condoléances? T'as dit quoi? Je dis ah ça fait beaucoup là non. mais à la fois c'est beaucoup. Ouais. Non je sais pas j'ai dit toutes mes condoléances je crois un truc comme ça. Ouais. Ou même rien tu fais juste un petit regard. Ouais. et dans mon champ de vision non, en fait je suis en train d'attendre pour que ce soit mon tour de présenter mes condoléances et dans mon champ de vision je vois c'est ses neveux ou un truc comme ça et je vois il me voit il fait et il va chercher son frère il dit il monte du doigt et tout je fais oh putain c'est vraiment le pire moment quoi et après il est venu me voir il a dit vous êtes Adrien Men je fais ouais non ah ouais Adrien Men ouais en fait j'ai Lucien Men aïe. Là j'ai fait un scandale j'ai fait quoi attendez le combo oh là là là là là là. Pour moi, c'est pas des vrais pêches. Je pense qu'il a mis un haut-parleur et c'est des MP3 qui sortent de son cul. MP3. Oh, oh là là. Des MP. Mais... Oh oui. Moment pénible, toi, on t'a reconnu. Il enchaîne tout de suite. Des P et des questions. C'est rien pour lui ça. Je vais créer un podcast qui va s'appeler exactement comme des ça. Des P et des questions avec Mr. V. Exactement. Minuit de 2h du mat. Alors toi, t'as vécu un deuil. Ah moi il y a un dentiste chez lequel j'arrive. Oh bah reviens mais tu te reviens. Un dentiste marseillais. Des coiffeurs je vous rappelle. Tu lui as léché la baguette ou quoi? Tu imagines si. Et j'arrive et déjà il me dit oh le rose de la veste. Et il rit fort okay. Un truc de je me dis oh bah il me met pas à l'aise du tout et tout. Parce que ma veste était légèrement rose. Et je me dis bah ouais c'est pas très grave quoi ouais, c'est la couleur. Et il est mort de rire. Il dit c'est comme mon fauteuil. Comme mon siège quoi. Et je me dis ok bon c'est pas grave. Ça c'était le l'intro wow. Mais c'était l'intro ça. Tu dis deux trucs roses. Ça c'était l'intro. Et ça fait beaucoup là non ouais, ça fait beaucoup là non. Deux. À partir de deux. Vous me dites, Vous me dites, ouais, ouais. Dès qu'il y en a plus que un, moi, je peux le dire. À partir de deux, et il me fait une deuxième blague lors du détartrage. Pardon. Non, mais. Parce que j'ai un truc pire que l'enterrement, en fait. Il me fait un détartrage, et à un moment, vraiment, il recule sa tête, et vraiment, il s'éloigne, et il me dit, pardon, vous faites le ramadan ? Et je dis, quoi ? Il me dit, vous faites le ramadan parce que ça sent très fort. Wow. Ah. Mais quel bâtard. Quel bâtard, mais il le fait bien, c'est-à-dire qu'il recule. Je suis tellement gêné. Et je me dis, waouh, mon haleine, elle est si horrible que ça. Ouais. Parce que c'est dentiste, le mec. Hein. C'est donc un dentiste. A dû passer, tu vois. Ouais, c'est un dentiste, le gars. Et je me dis, ah ouais, j'ai vraiment la pire bouche de Paris, apparemment. Et je crois que c'était à Marseille. Et il me dit, non. Wow, wow, mais, non. Marseillais, t'as pas... C'était l'actu, ça, à Marseille. Tu mélanges tout. Non, mais parce que t'as dit. Mais c'est un débunker. Adri décrypte, c'est son pseudo sur internet. Et je me dis, je suis grave. Franchement, pour le coup, je suis grave gêné. Je me dis, ouais, non, c'est peut-être une histoire de reflux. D'ailleurs, je lui dis même pas sur le coup parce que t'as la bouche ouverte. Et tout. Ouais, c'est ça, ouais. Tu dis rien et tout. Et une fois que je me rince la bouche, tu vois, je suis désolé. C'est peut-être ta gueule en te regardant dans les yeux. Quoi ? Clochard, espèce de clochard. T'as la mort. Tu manges de la merde. Ferme-la. C'est quoi, c'est quoi, de chien, tu la manges ? C'est quoi, je pisse dans ta bouche ouverte. Allez, t'es des chiottes. C'est quoi ? Je crache dedans. Regarde. Ce petit bout de salive qui arrive dans ta gorge. Regarde. Je suis en plein milieu de l'intervention. Tu vas faire quoi ? Tu vas me dire d'arrêter ? Tu vas souffrir. Dès qu'il n'y aura plus d'anesthésiant, tu vas souffrir de ouf. Je t'ai même pas dit le tarif ta pour gueule, la couronne. Tu vas payer plus cher. Il t'a tiré les sourcils comme gueule. Ça, il a fait ta gueule. Je fais toute l'intervention en te tirant les sourcils, tu vas faire quoi ? Tu sais quoi ? T'as besoin d'une autre anesthésie. Il a commencé vraiment à m'étrangler, il m'a dit ferme-la. Ça va te coûter moins cher. Et il t'a jamais reconnu en fait. En fait, il t'a jamais reconnu. Et voilà, il m'a jamais reconnu. Je suis rentré chez moi et j'ai déjà la bouche anesthésiée. Et vrai, je vais payer à un moment, et au moment de payer, il me dit un montant, mais qui est vraiment, je sais même plus, exorbitant. Mais c'était vraiment cher. Ouais. 8 000 euros. Et j'ose rien lui dire, et je me dis juste c'est très très cher, mais dans ces cas-là, il y a tout ce que tu te dis intérieurement. Moi, beaucoup dans la vie, je me dis plein de choses intérieurement, mais je les dis pas tout de suite. Pensez, tu veux dire, le et fait ouais, de penser. Ouais, c'est ça, de ouf. T'as la même chose. Ouais, grave. Il t'arrive des fois de te dire des trucs et les gens l'entendent pas. Bah, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est un super pouvoir. C'est exactement ça. C'est la télépathie, mais. Tu rigoles, mais quand j'étais petit, je pensais que j'avais un super pouvoir de pouvoir me parler dans ma tête. Ah oui, c'est vrai, ça, tu l'avais dit. Attends, il y a eu tout un débat sur internet là, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de voix intérieure, apparemment. Non. Et qui ont halluciné. Ah mais alors, vous quand vous pensez vous entendez une voix ça veut dans dire qu'ils tête. Se le sont même pas dit, ils l'ont dit à voix haute en disant moi j'ai pas de voix intérieure. Attends, moi je crois pas que j'ai une voix quand je pense. Oui, je genre parle, ce que je veux dire c'est que t'as des images, t'as un schéma quoi, t'as un schéma. Oui, moi c'est plus des images je crois, mais je m'entends pas. Hein? Ah non, j'entends pas. Attends, tu rigoles. Non, mais je te jure. En gros, c'est ça. Tu t'entends pas? Moi, en fait, des fois je m'entends et des fois je m'entends pas. Tu vois là je suis bilingue. Tu peux pas genre chanter dans ta tête par exemple. Ah non. Mais tu rigoles. Non, je te jure. Non, mais tu vois, il y a des gens. Ah ouais. Mais attends, j'apprends ça si tard dans ma vie. Non, mais c'est tout Internet. Tout Internet l'a appris. Là, je suis en train de faire de la drill, là, moi, perso. Là. Je l'entends un peu. Je l'ai un peu là. Vous êtes venu à partager. C'est fou. Vous avez pas vu, mais Adrien vient de faire une trend là. TikToker. Et donc, bon, bah, on finit. Non, mais il est hallucinant. Ah, mais là, j'ai même pas. Ouais, je suis allé de ouf. J'ai même pas envie de faire l'émission. Il en fait. Y a de ça de se barrer. Ah, la merde, je trouve ça fou en fait. Ouais, c'est moi, mais je me l'étais pas formulé non plus. Non, c'est tu crois que c'est un rapport avec. Pardon, on va parler très sérieusement. Non, non, mais. Mais c'est un rapport avec le. Sida ? Les couleurs ? Avec le fait d'être daltonien. Ouais, c'est un rapport ou ça rien. N'a pas de rapport? N'importe quoi. Bah, je me dis peut-être que c'était diminué dans tout. Non, pas ça. Non, c'est pas non, ce que je veux dire. C'est pas la phrase que tu voulais dire. Non, c'est pas ça. Ça a été privé d'oxygène. J'ai mal formulé ça ou pas? Le cordon ombilical autour. Non, mais ça se trouve, il y a forcément un lien entre les gens qui n'arrivent pas à se parler dans la tête. Il y a forcément un truc qui les relie. Est-ce que c'est qu'ils n'y arrivent pas ou est-ce que juste c'est pas leur mécanisme? Mais en fait, si maintenant j'y réfléchis, je peux peut-être le faire. Là, tu peux te dire un truc. Vas-y, je le fais. Non. Putain, j'ai l'accent créole, c'est super raciste. C'est problématique. Ah, je suis dégoûté. C'est problématique. Je suis dégoûté. Ah mince. Ah merde, je suis cancel alors que c'est dans ma tête. Elle entière, c'est dans ma tête. Bah, je vais me canceler dans ma tête du coup, mais c'est terrible. Ah, je suis tellement woke que je n'ai pas compris. T'as un niveau de woke. J'adore l'idée. Attends, je prime la parole, on la garde, moi j'assume. C'est lourd exprès. Les gens, les. J'ai fait un personnage italien, complètement raciste. Il est complètement. C'est la vidéo la plus raciste autorisée, apparemment, sur YouTube. Fais gaffe, c'est la méthode Michel Sardou. C'est un perso, ça va. Fini ton anecdote, oui, qui est beaucoup moins intéressante que le fait qu'on puisse pas. Certaines personnes ne peuvent pas parler dans leur tête. Mais fini quand même. Écoutez, il m'a dit un prix exorbitant, j'ai rien dit. Il a dit, mais je rigole, en fait, je t'ai reconnu depuis le début. Je me suis dit, mais je vais plus jamais venir chez toi. C'est terminé. Au final, il rend le moment. Avec du recul, quand tu prends, quand tu réanalyses le moment, je trouve que c'est. Il t'a fait un prank. Ouais, mais oui, mais c'est horrible. Il y avait pas de caméra, c'était juste gênant. Je suis rentré chez moi, j'étais gêné. Voilà, et donc, moi, le truc qui m'est revenu Alors, si, en vrai, c'est, j'étais plus gêné qu'à l'enterrement. C'est un jour, j'avais mal à la, au cervical et j'avais mal à la mâchoire. Et du coup, je vais voir pour la première fois de ma vie un ostéo recommandé par ma meuf. Elle me dit, ah, mais non, d'ailleurs, bah, je sais plus, on s'en branle. Et donc, moi, j'étais jamais allé voir un ostéo. Et là, je dis, bon, vas-y, j'essaye et tout. Donc, je vais essayer l'ostéo. Et le mec, il est, je crois que je l'ai déjà raconté, mais peu importe. C'est pas grave. Hyper pro et tout, il me fait oui, asseyez-vous et tout. Il me pose plein de questions. Ah, il dit asseyez-vous, c'est très pro. Déjà, ouais. Parce que moi, des fois, je suis obligé de prendre l'initiative et ça, j'ai horreur de ça. Non, non, et il me pose plein de questions. Est-ce que vous fumez? Est-ce que vous avez déjà été opéré? Machin. Blablabla. Il me pose vraiment beaucoup de questions. Donc, je dis ah, c'est cool, il est pro, il est carré et tout. Il me fait donc, il me dit vous pouvez enlever vos vêtements. Blablabla. Donc, je me mets en caleçon. Il me manipule, il me fait les trucs, il m'explique très bien ce qu'il fait et tout. Donc, je fais ah, c'est trop bien et tout. Et il dit bon bah voilà c'est terminé et tout. Il va s'asseoir à son bureau et il fait bah c'est bon vous pouvez vous rhabiller et tout. Et donc moi je suis assis sur la table d'ostéo en train de en calbar quoi, en train de mettre mes chaussettes et tout. Et il me dit je pensais que vous seriez plus à l'aise en caleçon, mais du très froid genre zéro van quoi. Je comprends pas. Et donc je dis, j'ai et je dis, je me dis quoi, putain ça y est je suis tombé sur un mec chelou et tout. Et je dis pardon. Il me dit non je pensais que vous seriez plus à l'aise en caleçon. Et je comprends toujours pas. Et au bout d'un moment je capte qu'il y avait le film des Suricates, Les Dissociés, qui venait de sortir. Et du coup c'était une référence, mais genre ultra, enfin genre ultra obscur, genre d'où j'allais comprendre ça. Ouais, genre, ah ouais car je suis souvent en slip. Et donc j'ai fait ah, mais vraiment mille fois trop tard, j'ai fait ah oui, oui, et c'est tout. Et lui, le film est dissocié, non? Non, enlève ton caleçon. Pardon? Ah bah quoi? Regarde ma main là, elle est sur ta gorge, je serre quand je veux, ok? Non, et donc j'ai fait ah oui. Lui, il a rien dit, et après, dans un silence de mort, je continue de m'habiller. Et c'était la gêne la plus totale. Wow. Et ah ouais, j'avoue, ça c'est chiant. C'était chiant. Et après, je me suis rendu compte qu'il me suivait sur Twitter et qu'il m'avait parlé plusieurs fois sur Twitter par le passé et tout. Il avait posté quelque chose. Ouais, en fait, il me connaissait, mais il avait dit à aucun moment quoi. Et du coup, là, il m'a reconnu, il a rien dit, il est resté pro, mais juste à la fin, il a dit. Allez, je l'ai fait ma blague. Ouais. C'est ça le pire en fait. C'est depuis le début, ils veulent le dire, mais qu'ils le gardent pour eux. Du coup, rien n'est naturel. Non, le pire, c'est ton dentiste, je trouve. qui te fait des blagues, mais sans te dire à aucun moment que c'est une blague. Ouais, c'est à la fin. Toi, tu te dis pendant une heure, putain, je pue la gueule, c'est horrible et tout. Ah, c'est fou. Le pire, c'est que ça part pas d'une mauvaise intention, tu vois. Mais après, c'est toujours. Peut-être pas une vanne, et peut-être t'as une haleine horrible. Ouais, une sceptique. Elle dit ah, mais non, je vous ai reconnu depuis le début. Ah, c'était pour ça l'haleine. Non, non, pas du tout. Ça, c'est vraiment une catastrophe. une brosse à dents, en fait. Ouais. Et ben, je le prends très mal. Non, mais moi, j'ai pas eu trop de. Si une fois où. Ça se passait mal avec une meuf. On s'est embrouillé. Je descends. Je veux remonter. J'ai pas de nouvelles. Je suis un peu triste. Et un gars me reconnaît et demande une photo. Alors que j'étais vraiment déprimé au plus haut point. Ah ouais. Putain, c'est marrant cette anecdote. Il y a pas si longtemps, je m'embrouillais avec ma meuf. Et on va dans un. Parce qu'elle me dit, ouais, j'ai pas envie de m'embrouiller chez moi, chez elle. Ce que je peux comprendre. Ouais. Tu sais, parce qu'il y a ce truc de. Bon, je préfère le faire en public. Allons dans un centre commercial. Bah après, tu sors avec Marion Cotillard. Et on discute aussi, qui est comédienne. Et on discute dans un café. C'est tendu dans le café. Et moi j'aime pas. Mais, vraiment, du coup, en public, du coup, vous êtes allé devant des gens. Non, mais en fait, on s'est mis dans un café, dans un coin pour discuter, ouais, tu vois. Bien sûr. Et c'est vraiment quand vous rentrez à tous les deux comme ça. On peut avoir une table, s'il vous plaît. Oui, là, mettez-vous là. Ouais, okay. C'est un peu tendu. Merci, et tout, ouais. Et... deux cafés allongés aussi. Je disais. Ouais, pour le coup, c'est déjà tendu à table et tout, tu vois, on se prend quand même un peu la tête et tout. Et moi j'aime bien faire. Enfin, je suis hyper discret, j'aime pas. Te donner un spectacle. Voilà, mis à part mon pénis, vous l'avez vu là-dessus. En fait, je mets tout sur mon pénis. Je suis discret dans la vie. Mais sur les épaules de son pénis. Toute mon excentricité, je la mets dans le pénis. Si je peux me permettre, tu peux le ranger maintenant. Je fais. On va mettre un petit bruit de zip. Non, parce qu'en plus, tu manges des chips en même temps, il y en a partout, frère. C'est dommage de développer un tel prépuce pour se mettre des morceaux de chips en dessous. Enfin, bref. Bon, bref. Et du coup, on sort du resto, c'est encore un peu tendu, et on est dans la rue. Et on se prend la tête. Et là je vois dans son dos qu'il y a deux gars qui s'arrêtent et qui me regardent. Tu vois, et c'est tendu. Et il y a deux gars qui me regardent, tu vois. Et elle, ma meuf, elle voit que je change de visage. Elle se retourne, elle les voit et elle dit: arrête de faire croire à tout le monde que t'es sympa. Tu vois, arrête, tu vois, ce personnage jovial que tu montres au monde. Parce que moi j'étais gêné en mode tout va bien. Et elle a dit en gros, non, ça ne va pas. Et arrête de faire genre. T'es tout le temps souriant. Tout se passe toujours très bien. Voilà. Et j'étais ultra gêné. Tu vas hurler pavard, Freddy. C'est ça que tu vas faire encore. J'étais ultra gêné. Je me suis dit, bon, bah voilà, écoute, on peut pas le cacher, visiblement. Putain, et là, les deux mecs, ils sont partis en mode, ah, il est pas si sympa que ça. Déçu. Apparemment, il y a des moments où il est pas content. Oh là là. Ah, c'est dur ça, elle est dure celle-là. Ouais, mais la phrase m'a beaucoup fait rire avec du recul. Arrête de faire croire que t'es tout le temps sympa. Ouais. Sur le moment, c'était t'as très pleuré. Drôle. Sur le moment, t'as pleuré. Ouais, sur le moment, j'étais pas content. Ouais. Là, mais moi, c'est ta meuf actuelle, toujours ? Actuelle, ouais, je l'embrasse. Oh, mais ouais. On l'embrasse. Apparemment, elle est décédée vu la gestu. Ouais. Vu la gestu de Flo. Elle doit bien se marrer là-haut avec Coluche et des proches, je pense bien. La dernière fois, donc on écrivait Feuilleman avec McFly, Carlito et Pierre. Hey, ça arrive quand ça? Ça arrive lourd, si tu savais. Et Carlito fait ce truc. Est-ce que les gens sont prêts? Hein? Les gens sont prêts? Alors, ils ne sont pas prêts du tout. Ils ne sont pas prêts. Est-ce que surveiller le ciel, il y a des calages qui tombent ou quoi? Quoi? Oh, c'est des mecs qui sont dans les sons. C'est plus, c'est... Ouais, on est pas assez gang. Je suis tout sauf gang, regarde-moi. Ton t-shirt, c'est le truc le plus gang que j'ai porté de ma vie. Gang de requins, à la limite, le film. Ouais. Bon, on aime bien, j'ai le DVD. Je suis gang de requins, moi. Je suis gang de requins. Bref, il y avait. Non, je suis gang, j'ai fait un son qui s'appelle On est gang. Exactement. Gang de requins. La mauvaise BO de la suite. Ils me demandent mon son et ils leur demandent un remix et tout. Ouais, bah tu le ferais pour l'oseille, t'adores ça. Avec tes NFT dégueulasses, là. NFT de singe de merde que t'as là. Allez, enlève ça de ton profil Insta. Ouais. Putain. Si t'avais comme moi investi sur un connu qui a 3 hétérom et qui maintenant il a 17, on a qui a 17 hétérom, tu veux vraiment le mal. Et bref, mais vous êtes pas assez geek. C'est mais pour ouais, ça. Non, mais c'est vrai. C'est pour ça. C'est une histoire de geek. Ni gang ni geek, c'est un peu tout ce qu'on est, Adrien. Ça, et moi, ça serait belle, un bon nom d'émission, ça. Ni gang ni geek. Ouais. Passable, juste normal. Donc bref, Pierre Ninet entre et Carlito fait un truc très gênant mais qui me fait rire. Il se lève, on est dans un restaurant, il fait c'est Pierre Ninet, mesdames et messieurs, on l'applaudit, merci. Quelle c'est horreur. L'espoir du cinéma français. Et vraiment, Pierre Ninet. L'espoir, il est déjà installé depuis longtemps quand même. Oui, oui. La petite phrase. Non, il connaît rien en cinéma, Carlito. Ouais, Carlito, il a vu Gang de requins. Je crois que c'est le seul qu'il avait vu. Et donc bref, très gêné. Et ça, c'est vrai que moi j'aime bien quand il y a des gens connus qui sont un peu gênés. C'est un peu rigolo à regarder. Quand même. Bah surtout Pierre, qui pourtant ne transpire pas du tout la gênance quand il est toujours à l'aise. Là, il était très mal à l'aise. Quand même, c'est horrible. Et alors, il y a eu gênant. Et au même repas, il y a un mec avec son fils qui traîne autour de la table. Et qui parle fort pour qu'on le remarque. Je déteste. Donc ça arrive apparemment chez les gens connus souvent. Ça, c'est très très dur ça. Et il fait alors, bah tu les as vus, c'est Batman. Et donc en plus il y a un truc où personne ne comprend. Il était jamaïcain. Non, c'était mon père. Il parlait quand c'est parti en reggae horrible. Batman. Et donc personne. Batman. Eh mais toi t'as un sosie en plus Rasta blanc. C'est vrai. Batman. J'ai commandé un Coca Zéro. Batman. Viens on fait ça à l'Olympia. Je rentre sur scène avec Vanupié pendant 4 minutes et on dit pas que c'est pas toi. Dis pas les bonnes idées. Ah, pardon, il ne restera plus incroyable, rien. Il ne restera plus rien. Très drôle. Bref, ce mec dit, c'est Batman, donc on comprend pas. Et en gros, 3 jours avant, ils avaient fait Une famille en or avec l'équipe de Philippe Lachaud qui avait joué Batman dans leur film Super Héros malgré lui. Donc en fait, non seulement le gars faisait des références à ça de nos oreilles c'est pour qu'on se retourne, Batman, c'est le nom de son super héros dans le film Lachaud. D'accord. Donc le mec a cru que c'était Philippe Lachaud, sauf que c'est McFly, Carlito et Pierre Ninet. Ça n'a rien, donc, rien à voir. Il a cru que c'était toi, Philippe Lachaud. Peut-être c'était moi, Philippe Lachaud, depuis je le début. Je pense que c'est ça. Et donc il a fait une espèce de mélange de. Ils étaient à la télé ensemble, on a vu son film, peut-être qu'il connaît. J'en sais rien du tout. Mais ça se trouve, c'était un beauf, non? Je sais pas. Ah, c'était ça. C'était un beauf, mais c'est vrai que le lien était très étrange. En même temps, c'est chelou vos réunions au Buffalo Grill. Écoute, c'est là où Pierre Ninet n'est reconnu de personne. C'est là où personne ne le reconnaît. Il y a donc eu un autre métier. Je juge un peu la communauté des gens qui vont au Buffalo Grill. Oui, alors qu'ils achètent tes pizzas. Alors, et mes albums, ils regardent toutes mes vidéos. Ça s'appelle plus Buffalo Grill, attention. Ah ouais, ça s'appelle la Pim. Non, c'est comment déjà? House of Grill, je crois. House of Barbecue. Ça ressemble pas. Et donc il y a un autre métier un peu nouveau qui s'est mis à exister il y a pas longtemps, un mec qui se fait 200 euros par jour. Alors c'est pas fou, il le fait en plus de son vrai métier. C'est pas fou, c'est pas fou. Non, non, mais moi j'aimerais bien. Moi j'aimerais bien. On a oublié. Ah oui, non, je suis con, 200 par jour. Oui, je croyais par mois. Pardon, 200 euros par jour, donc très bien en fait. Avec un métier. Moins bien que les NFT. Les NFT, vraiment laid, mais. C'est une laideur abyssale. Je crois que c'est par aérographe. C'est par minute. Horrible. Non, ça c'est. Ouais, ça me fait pitié, genre. Ah, ton singe de merde là. Mon singe, il coûte un trop terrible. Est-ce que si on le descend pendant toute l'émission, il perd un peu de sa valeur? Non, ou l'inverse? Au contraire, au contraire. Je c'est... Il n'y a pas de mauvaise publicité. L'algorithme est très bizarre, mais. Allez, plus t'en dis du mal, continuez. Et prends la valeur. Ah, l'algorithme, parce que c'est un singe. Allez! Oh, je boxe avec les mots. Autre métier un peu nouveau. Donc un mec se fait 200 euros par jour, pardon, avec un métier qui n'existe pas, mais bien pratique. Est-ce que c'est un métier sur internet? Pas du tout, mec. Est-ce que c'est un rapport avec OnlyFans? Moi, je connais un pas peu. Pas du tout, avec OnlyFans. Freddy, une idée? Je sais pas, il. Parce que tu sais pas, dis rien en fait. Oh là là, parce que quoi, c'est quoi, tu sais pas, dis rien. Ah en non, fait. Mais c'est moi qui l'ai lancé, c'est ma faute. Ça se trouve, je sais en fait. Vas-y. Vas-y. C'est non. Regarde, il peut lire sur son ordinateur, il veut savoir. C'est un rapport avec le chant, encore une fois? Non, pas du tout. En fait. Est-ce que c'est un rapport avec le domaine médical? Pas du tout. Est-ce qu'il va chez les gens pour le faire? Non, c'est un truc du quotidien. Du quotidien. Tu parles de l'émission, allez hop. Hop là. Il se filme? Non. Est-ce que il c'est fait quelque chose qu'on n'aime pas trop faire? Le ménage, tout simplement. Non, mais c'est juste ménage. Payé très cher. Ouais. La vaisselle? Non. Le repassage? C'est un truc qu'on fait tous, tous c'est les ménager. Jours. Est-ce que c'est un truc d'entretien ménager? Non, pas de déménagement. Pas un truc qu'on fait chez nous? Non. Pas chez nous? Justement, on ne le fait jamais chez nous. On descend les poubelles? Non. En vrai, pas mal. On le fait pas chez nous, on n'aime pas trop le faire. Mais on le fait tous les jours. Les courses, on le fait tous les jours. Non, mais c'est un peu lié aux courses. S'embrouiller dans un restaurant en public? Non, c'est pas ça. Il fait la queue à la caisse. Alors, c'est une très bonne réponse. Il fait un pas queue à la caisse. C'est-à-dire qu'il fait la queue où vous voulez. Ah oui, j'avais déjà vu ça. Freddy Beckett, un londonien de 31 ans, gagne sa vie de cette manière en faisant la queue pour les riches. Depuis 3 ans, les Britanniques facturent à ses clients jusqu'à 20 livres de l'heure, environ 24 euros. Comment ça s'appelle? Mais je l'ai eu dans Popcorn, ça. Freddy Beckett, je crois. Ah ouais. Et c'est pas plutôt Freddy Brexit? Oh, connaissez-vous la référence politique? Yvick l'actu. Pour patienter à leur place dans les files d'attente, en une journée, il peut gagner jusqu'à 160 livres, donc environ 290 c'est euros. Pas chier, lui. D'autant que ses horaires sont flexibles. J'ai fait la queue pendant 8 heures pour des tickets pour l'exposition Dior au VNA pour des personnes très aisées d'environ la soixantaine, raconte-t-il. Il a lancé une plateforme qui propose aux particuliers de déléguer des tâches de la vie quotidienne à des professionnels. En France, ce genre de service. Ouais, j'ai fait un petit AVC. En France, ce genre de service était disponible via l'application IQE. Non. Okay. Moyennant 12,50€ pour 1 heure, 22€ pour 3 heures, 53€ pour 8 heures. Voilà. IQE. Ok. Voilà. Mais c'est trop une bonne idée. Eh bah écoute, c'est trop une bonne idée. Et je crois qu'en fait, faut se dire que tout ce qui fait patienter un peu trop les riches, ouais. Bah il y a un créneau. En gros, là récemment, j'étais à Disney la semaine dernière. Et il n'y a plus le fameux pass. Je sais pas si vous suivez. Le fast-pass. À l'époque, il y avait un fast-pass. Ouais. Et après, il y avait un truc, c'était sur une appli, c'est-à-dire que tu réserves à l'avance et on te dit bah il y a un créneau entre tu viens à 17h45 c'est par ça, exemple exactement, ouais. Et bah ça existe plus. Ah ouais, maintenant tu payes directement un supplément par pour exemple tu dis queue. J'ai envie de faire le Space Mountain, bah je paye 7€. Ah ouais, ouais. Alors tu payes déjà l'entrée quoi, c'est ça pour chaque attraction quoi. Et je me dis c'est fou parce que c'est un vrai truc, les gens qui ont de l'oseille ils peuvent le faire. Mais t'as pas bossé fou, à Disney? Non. Moi j'ai bossé à Disney. Non. Si, moi j'ai fait le fast-pass au train de la mine. J'ai fait Pirates des Caraïbes et le fast-pass du train de la mine. Et Pirates des Caraïbes, c'était bien parce que tu peux mal parler aux gens. Il faut aller, vous savez, allez, rentre, allez, tu rentres dans le. Enfin, tu vois, un truc un peu plus énervé. Donc, quand à 15h, ils commencent à être horribles les gosses parce qu'ils sont fatigués, tu peux être un peu plus. Tu peux hurler, ferme-la, ferme-la. Ta gueule, le gosse. Non, là, pardon. Je vais te noyer, sale merde. Sale merde. Ta non, mais mère c'est, aurait c'est, dû c'est... avorter. Non, c'est là, les pirates, c'est, pas... c'est les pirates. Non, mais là. C'est pour ça que je le plante avec un sabre. Oui, c'est un peu beaucoup. Mais d'où vous sortez un sabre? On n'a pas de sabre. C'est le mien, c'est mon sabre. C'est mon propre sabre. Je l'ai acheté à Japan Expo. Waouh, ils faisaient les doigts d'honneur, les pirates. Oui. Je rêve d'y retourner à Disney, ça fait très longtemps que je suis pas allé, la dernière fois que j'y suis allé j'avais 4 ans. Ah oui d'accord, ça date. Donc vraiment j'ai noté quand on parle d'attractions des films qui sont sortis depuis, mais qui sont déjà devenus vieilles tu vois. Oui, moi je rêve de faire l'application, attends que je me trompe pas, l'attraction pardon, je crois que c'était... Indiana Jones. Il y a un Toy Story. Ouais, Toy Story. Ouais, mais qui est très vieille maintenant. Ah oui, d'accord. Je crois. Et je l'ai jamais fait de ma vie. Je rêve de le faire. Je pense que maintenant, elle a vieilli de fou et que c'est pas fou du tout, quoi. C'est pas dingue. Ouais, c'est possible. Mais en vrai, c'est fou. C'est toujours aussi magique. Mais hein. Nous, moi, je rêverais de voir ça. Parce que même, c'est un peu qu'un riz. C'est un peu. Non, y a pas bah ouais, de ouf. Bah, moi j'adorais. Moi, avec mes parents, on partait jamais en vacances, mais on allait tout le temps à Disney. C'était ouais, un c'est peu l'endroit où. où on allait tout le temps. Et je comprends, c'est tellement cher. Et c'est tellement cher, mais non, mais c'est vrai. Je vois que j'y retourne, tiens d'ailleurs. Non, et c'est tellement cher. On avait avec Flo, avec Flobit, on a fait un parc d'attractions aux USA. Aux USA. On en a parlé dans le dernier Flo de cas. C'est fou ça quand même. On en a parlé. Et en l'occurrence, comment ça s'appelle? Le Six Flags. Et c'est une chaîne, c'est pareil, c'est une chaîne de... De Grand 8, pour et le coup. C'est DC, ça, ils ont les contrats... Ouais, de Batman et de... Les licences de DC. Donc c'est beaucoup plus dark. C'est très dark. Non, l'attraction est mal éclairée. Non, c'est vraiment... C'est DC, je croyais que c'était de Los Angeles. Hey oh, c'est DC Shoes. DC les moulinots. Pas mal. Les baskets. Et donc, on était à Six Flags. Et là, en l'occurrence, à Six Flags, je me suis fait embrigader par Yvick, qui a un bien meilleur pouvoir d'achat que moi. Pourquoi? Je rappelle qu'il a des singes. Des singes dégueux. Et on arrive là-bas. Et en gros, il me dit, mais viens, on paye le pass ou on fait pas la queue. Et je fais, bah, il dit que 250 euros quand même, le pass ou on fait pas la queue au lieu de 100. Il dit, ouais, mais tu verras, vraiment, c'est mieux. Et effectivement, c'est mieux. Sauf que, au bout de 12 grands 8 où tu fais pas la queue, bah, moi, je suis pas bien. C'est-à-dire, ouais. La file d'attente, ça te permet de te remettre bien un peu ah, aussi. Ah oui, ok. Là, on enchaînait les grands 8 ouais. Et je me souviens, à 16h, je fais, moi, je commence à fatiguer un peu là. Donc, je suis allé en faire des manèges tout seul, quoi. Ouais, tout seul. Comme un mec de vraiment 8 ans. Et vous êtes rentré à l'hôtel via une attraction. Non, mais en vrai, c'est tellement bien fait. Après, celui de Disney, je pense, c'était très bien, mais. Ouais. Au State, c'est vraiment une culture de ça, quoi, qui est vraiment. Tu te rappelles quand t'arrives au parking, c'est un péage. Je sais pas si c'est ouais, pas. Ouais, c'est ça. Disney ouais. Paris, c'est pareil, je sais pas. À Paris, c'est ça. Disneyland Paris, c'est ça aussi. Ouais. Que j'y retourne, parce que c'est grand celui de Paris, il est vraiment très grand. Ouais, ça va, franchement. Ouais, ouais, c'est fat. Jamais allé, moi. C'est fat. Ah ouais, t'es jamais ah allé. Ah ouais. Ouais. Mais t'aimes bien genre les Disney, les Pixar et tout. Pixar, ça si va, Disney. Si oui, c'est un film. C'est vraiment magique. Non, mais j'aimerais bien aller une fois. Si t'aimes bien Disney, t'es un bébé, de toute façon. Non, mais regarde pas Mentum sur Disney Plus, là. Comment? Tu regardes pas Mentum sur Disney Plus, j'ai vu. C'est vrai? Oui, tu me fais gerber. Non, je vais encore mieux rebondir. Je pense que c'est la réelle de Pamentum qui te fait gerber. Allez, la blague de mise en scène. Ah oui, il a fait une petite story. Oui, je suis l'actu, moi. En vrai, c'est trop bien. C'est trop bien. Elle est vraiment bien, cette série. Ah, Disney Plus, tu parles. La série est bien. La série est bien, moi. C'est que des zooms, du coup, c'est ça que tu dis. Non, mais il y en a énormément de travelling avant. Ça se calme un peu, je crois, après, ou alors on s'habitue. Une bite qui parle. Ça, si on peut difficilement mieux vous vendre. Ah, spoil. Ah, je spoil une petite scène. C'est dans l'épisode 2, je crois. Mais peut-être, ouais. L'actrice ressemble incroyablement à. Mais même l'acteur, en vrai, ils ont fait un taf de malade. C'est fou, hein. C'est vraiment les sosies, quoi. C'est vraiment bien. Et elle joue enfin lui aussi d'ailleurs, mais elle joue vraiment trop bien. Tu oublies que c'est Pamela Anderson. Non, c'est vraiment une bonne série, ça moi. Fait une série bien, c'est vraiment très très bien. Ça aborde des sujets en plus qui. Enfin, du coup, parce que c'est un vrai truc, mais ouais. Ça aborde des sujets sur comment tu déshumanises les célébrités. Enfin, c'est vachement intéressant. Tu découvres tout le truc derrière. T'es au courant que la vidéo, c'est ce qui a lancé Internet ou pas? Plus ou moins, en fait. C'est genre le premier. C'est cette vidéo, en fait, qui a fait que. Ils ont mis cette vidéo sur Internet en vente. Et c'est les gens qui ont commencé. Il y a plein de gens qui ont commencé à utiliser Internet pour retrouver cette vidéo en fait. Oui, c'est ça. Ouais, tellement c'était encore de niche. Internet, c'était un truc de l'armée, mais des boîtes, des entreprises et tout. Ouais. Et ça a commencé à rentrer dans le domaine public grâce à cette sextape. C'est fou. C'est fou. C'est incroyable. Donc, et après, elle est sortie avec Adil Rami. Ça va toi? C'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Et Adil Rami qui s'est fait reconnaître avec Pamela Anderson dans un TGV en seconde. Ça m'a tué cette anecdote. T'imagines un bon Strasbourg Colmar comme ça avec Pamela Anderson avec un sandwich triangle et quelqu'un qui fait... Attendez, excusez-moi, je crois que c'est ma place. Ah oui, on s'est mis à côté. Oui, mais je voulais être près de la fenêtre. Mais la prise USB marche pas, c'est pas tout le temps. Non, d'accord. Non, ça dépend. Oh, la prise de courant, des fois ça coupe, ça revient. Je peux baisser le store. Ah bah ça fait chier les 5 rangées derrière. Bon, tant pis, je le fais. Désolé Pamela. Est-ce qu'en début de carrière, on vous a proposé peut-être des placements de produits un peu improbables ou de pas forcément que vous avez accepté, hein, mais des espèces de trucs, on vous dit vous comptez un peu de sous, vous pouvez faire ceci ou faire cela. Moi, ma carrière n'a jamais vraiment décollé, donc j'estime que je suis toujours en début de carrière. T'as été égérie pour L'Oréal? Non, les bonhommes bleus, c'était quoi? Dope? Vivelle, ouais. Ah, Vivelle, ouais. De quoi? Il était dans des supermarchés. Pas du tout, égérie, mais je me suis bien fait carotte, je pense. Non, une pub Golden où j'étais tout en bleu, en extraterrestre. Ah, mais oui, c'est vrai. Ah, oui, c'est vrai. Après, il y avait des PLV de moi dans des supermarchés, quoi, apparemment. C'est fou. Ah, ça, c'était pas censé. Le contrat était mal lu. Bah, j'avais pas d'agent à l'époque. Ah, bah ouais. Toi, Yvick? Là, il y a NordVPN en ce moment qui marcelle, mais sinon. vraiment, c'est la pub que tout le monde a fait, donc c'est un peu compliqué de passer après. Moi, je suis sûr qu'on vous l'a proposé aussi parce que. Alors, moi, j'ai eu les implants. capillaire. Oui, bien sûr, en Turquie. Ah, j'en sais, les trucs de Turquie aussi, ouais. Les trucs pour se laver la bite, vous avez pas eu ça? Ah, ça non, moi. Pour se laver la bite. Moi, j'ai eu les tondeuses de boules. Tondeuses, ouais, j'ai eu tondeuses. J'ai fait story dessus. Ouais, mais moi, j'ai eu ouais, des produits pour pas puer de la bite et tout, quoi. Ah ouais. Ah, ok. Ça, non, ah, ça, j'ai pas eu. Mais j'ai déjà eu. Généralement, le truc qui vraiment me saoulait, c'était quand je me disais, ah, tu me prends vraiment pour une merde. C'était un mec qui ouvrait un taco à Metz et qui me disait, je te paye le billet de train, l'hôtel. Et tu fais la pub. Genre, je sais pas, je te paye en plus un cachet ouais. De pub. Mais en fait, tu es défrayé juste. Ouais, tu es juste défrayé pour faire de la com, quoi. Ça, c'était vraiment vexant parce que tu fais vraiment bon. Bah, mais toi, le taco, il était bon au moins. Je sais pas. Le taco, c'était délicieux. Non, mais par contre, en ce moment, il y a un truc qui me fait marrer. Il y a beaucoup de rappeurs qui en ce moment font des stories Snapchat pour du miel, pour bander. Ah ouais, ouais ça moi, oh là là. Moi c'est ma passion les placements de produits des rappeurs sur les réseaux sociaux. Bah là souvent c'est le miel pour bander, je trouve ça incroyable. Ça devient un truc de pas mal de rappeurs qui font ça. Ouais. C'est pas les big mais souvent c'est des rappeurs quand même assez suivis. Mmh. Et ils font de la promo pour du miel pour bander. Ils te montrent comment. Non, mais justement, ils disent ouais, si vous voyez madame ce soir, mettez un peu de miel. Et moi, il y avait une story de Attic où il faisait la promo d'une auto-école. Ah oui, ouais. Ah, tu dis, mais qu'est-ce que. Il dit, hey, vous voulez passer le permis, vous voulez pas attendre, venez dans cette auto-école, c'est la meilleure. Allez, je vous fais visiter et tout, en pleine story. Ouais. Mais t'as touché 30 euros pour faire ça. Non, l'auto-école, à un moment, ils ont balancé. J'ai vu plusieurs youtubeurs faire des trucs avec des auto-écoles. Ça, ouais. C'est fou, ça. McFly et Carlito aussi. Enfin, il y avait un truc un peu de. Il y avait du pognon chez les auto-écoles. À un moment, il y a eu beaucoup d'argent chez eux. Mais. Mais c'était le truc. C'était. Moi, toi, tu parles de l'appli, là. Ouais, bon, je sais pas. Enfin, j'ai non, vu non, des mais parce qu'il y a un truc pour passer le permis ou le code, le machin, code, qui s'appelle Ornica. D'accord, ok. C'est ça, non? Peut-être je crois que c'est ça, mais là, c'était pas ça. C'était vraiment une auto-école dans une ville. Vraiment, c'était bizarre, quoi. C'était un pote à lui. Oui, c'est peut-être un pote à lui, peut-être. Mais ça faisait bizarre. On en a parlé il y a quelques épisodes. Vous souvenez-vous de Stéphanie, une influenceuse? Non. Celle qui vendait ses paix? Elle vendait ses paix. Taïvik. Alors ça, je peux me faire du comme un NFT. Ouais. Ça peut être ton paix peut être une NFT. Ce sera toujours moins dégueulasse que ton singe de merde. Sache-le. Et donc elle vendait ses proutes sur Internet. Tu verras quand j'aurai un compte à Dubaï et que je vais tout prendre et mettre en argent liquide. J'aimerais bien ma gueule. On lui a lancé un nouveau défi. À votre avis, lequel? Chier sur un gars. Quel est? Alors t'es pas si loin. Vendre sa merde. Sur deux gars. Non, pas. Hey, ça fait beaucoup là, non? Oh, oui. J'étais pas concentré là. Ah, mais non, mais non. Tu l'as lancé un peu. Tu l'as fait un peu différemment, c'est pas vrai. T'as mis une petite vibe. Bref. Un Français lui a lancé un défi. Ah, évidemment. Péter sur Poutine. Non, mais t'étais pas loin. Avec le caca? Non. Un rapport avec la politique? Pas du tout, non, avec pas le, du tout. Avec le cax? Avec le? Avec le fait de chier? Non, pas le cax. Un rapport avec le paix quand même. C'est un rapport avec la France. Oui, péter sur lui. Alors voilà. Payer pour péter sur des gens. Et alors, juste dans sur la lui. Bouche. Ah, sur lui. Ah, mais les Français, genre, d'abord, elles mangent genre. Des un croissant qui sent l'escargot, peut-être. Des croissants. Elle doit lécher une baguette. À ce prix-là, parce que j'ai vu combien ça coûte. J'espère que. Enfin, je dis pas que c'est moi qui ai demandé. Non, mais j'espère non. Que je peux choisir. Enfin, que le mec peut choisir ce qu'elle mange avant, quoi. J'espère. Au prix où ça m'a. Enfin, ça coûterait au gars s'il disait. C'est toi, Adrien, c'est toi. C'était en euros ou quoi? Non, mais quoi? C'était en euros? Ouais, en euros. Enfin, je sais pas. C'était en Ethereum, parce que moi je peux payer sinon. C'était en Ethereum. Adrien, me dis pas que t'as mis toutes tes cryptos. J'ai converti mon. Enfin, je veux dire, le mec, s'il avait fait, il aurait dû convertir son argent. Un gag de Paris, c'est moi. Non. Ah ouais, t'as dit, mec. Merde, t'as dit, non, c'est mais moi. C'est le tu gars. Parles pas de toi, le mec s'appelle moi. Le gars, je sais même pas s'il existe pour de vrai. Ouais. C'est moi. Merde. Oh là là. Mais tu vas le dire à l'instant. Ah non, mais c'est quoi son prénom? C'est un mec qui est comme toi, Adrien Méniel. Mais non, c'est vraiment ton prénom. Non, mais j'ai. Ça va, physiquement, mais c'est un homonyme. C'est l'autocorrect. C'était quand? C'est l'autocorrect. C'est pas ça son nom. C'est un homonyme. C'est un homonyme. Il ressemble à quoi, le gars? Il ressemble à quoi? Je sais pas. Tu vois, moi? Ouais. Physiquement, ouais, c'est bien. Moi le gars qui a demandé. Merde, non, pardon. Bon, écoute, j'arrive pas à. Non, mais pardon. Je vais remonter. Non, c'est pas. C'est, mais c'est, genre, pas, c'est fou. J'imagine en fait. J'imagine depuis. Ouais, mais t'arrives pas à imaginer quelqu'un d'autre que toi? C'est moi. Ok. Stéphanie Matteau a annoncé qu'elle a trouvé un gentil français qui l'a invité et lui a organisé un voyage à travers Paris. Ensemble, ils ont traversé la ville, fait des visites touristiques et visité le musée du Louvre, entre autres. J'ai arrêté de vendre des paix, explique-t-elle sur Instagram. Je vais vivre une vie normale. Mais selon l'influenceuse new-yorkaise qui a participé aux États-Unis à l'émission de télé-réalité 90 Days Fiancé, ce doux français serait même allé jusqu'à lui promettre une demande en mariage au-dessus de la Tour Eiffel, mais seulement si la vidéo obtient plus de 1 million de vues sur TikTok. Quoi ? On en est encore loin. Parce qu'elle raconte tout ça, elle raconte tout ça sur TikTok. Voilà, ok, ok. C'est tout un. Ah, c'est tout un univers. Tout un buzz. Elle a été payée 100 000 dollars quand même pour faire ça. Pour venir en France pour et péter sur le gars. Mais elle l'a fait ? Bah, c'est ce qu'elle dit. Elle l'a fait, mais par contre, elle accepte la demande en mariage si la vidéo où elle raconte tout ça fait 1 million. Mais elle a quand même pris les 100 000. C'est une belle époque, je pense. Et le gars reste anonyme ? Non, parce que le mec est très connu. Non, pas du tout. Très connu, j'ai 120 000. Non, Adrien. Bah, t'as quand même une petite notoriété, quand même, Adrien. C'est pas très connu, mais. T'as rempli l'Olympia. J'espère booster ma carrière. Enfin, non. J'imagine. Enfin, le mec qui a payé, en tout cas, a rempli une tournée de salle avec son podcast. Ouais. On ne dira pas qui c'est. C'est pas moi du tout. C'est pas toi. Non. On dira c'est pas un autre gars qui bosse sur l'épisode. Sur l'émission. Mais t'étais dans quelle position quand tu l'as fait ? J'étais allongé sur le dos. Ah ! Bah, non, c'est. Elle m'a pété dessus, c'est moi le gars. Quoi ? Attends. Quoi ? Non. Quoi ? Non, mais vous me tendez des pièges. Non, au contraire, on arrête pas de se faire. Vous essayez de croire que c'était moi le gars. Mais pas du tout, on arrête pas de dire que c'est quelqu'un d'autre. Bah oui, regarde, si je dis c'est un mec qui s'appelle Dimitri. Bah c'est non, c'est Adrien mon prénom. Ah oh là là. Ah mais ça se trouve c'est pas toi. Qu'est-ce qu'elle a mangé ? C'était quoi le. Qu'est-ce qu'elle a mangé ? Tacos et brocoli. Et l'odeur ? C'est horrible. J'ai adoré. Enfin, c'est toi. C'est toi, c'est fou. Alors elle moi, m'a pété dans la bouche. Tu dis tout. Non. Je vais l'épouser. Non. C'est fou. Attends, likez la vidéo, s'il vous plaît. Tu veux que je fasse un. Un million de vues SVP. Fais de la pub. C'est pas moi, mais. Depuis tout à l'heure, il vit qu'il pète gratuit. Alors tu pourrais payer. Ouais, mais. Alors qu'il pourrait toucher de l'oseille pour ça. C'est vrai ça. Des NFT. J'avoue. Un NFT. Hop là. Ah, mais je fais une collection de 10 000 paix et je vends encore en NFT. Mec, tu sais qu'en vrai, tu vendrais tes paix, le carton que ce serait. Même nous, je pense, on peut avoir un peu de sous, je pense. Si on vendait nos paix. Non. Ah ouais ? Mais bah t'es si. Malade. On a rempli l'Olympia. Mais moi, pour moi, on peut faire ce qu'on veut. Non, mais c'est un délire de mec qui veut sentir les paix d'une meuf. Non, mais personne ne veut sentir nos paix immondes de vieux gars. Franchement, je suis créateur de paix, par contre, parce que les pizzas, je pense que. Ouais, là. J'imagine dans le labo, c'est. Celui-là, dans une éprouvette. Un peu musqué. Non. Avec les petits trucs en papier de chez Sephora, mais avec des paix au bout, comme ça. Sur la route de Montpellier, un adolescent a vécu quelque chose qu'il. Vous aussi, vous avez appris que le prénom Sephora après l'avoir connu le magasin ? Le prénom ? Ah, c'est un prénom Sephora ? Bah oui. Ah, bah, je savais pas. Ouais ? Il y a des meufs qui s'appellent Sephora ? Bien sûr, j'ai une pote qui s'appelle Virginie Sephora, l'actrice. Mais... Oh là là ! Yes. C'est moi qui s'est pété dessus. C'est moi qui s'est pété dessus. Elle a pété sur moi, il y a quoi ? Non, pardon. Sephora en chocolat. Ah oui ! Oh oui ! Le sourire. Il est ravi. Moyennement assuré. La raison pour laquelle il peut voir son sourire, c'est que son masque est vraiment sous son menton. Donc sur la route près de Montpellier, il ne voit que des particules de salive. Sur une route près de Montpellier, un adolescent a vécu quelque chose qui pourra sûrement ressortir à 2-3 Noël avec ses parents. À votre avis, quoi ? Sur la route, c'est lui qui conduisait ? Non. Il était en stop ? Ah, j'ai pas entendu le début, pardon. Il était sur une voiture près de Montpellier et il a vécu quelque chose, l'adolescent. Il était où près de Montpellier ? Il a été renversé, il est malheureusement. Vous parlez en même temps ? Je n'entends pas. C'est sur une route. Ah ok, d'accord, tout simplement, okay, c'était okay. Pas très précis. À pied ou en voiture ? Il était pas en voiture justement. Toute la, enfin, une non, partie non, de la pas, journée ou non, toute tout la sainte journée. La sainte journée, d'accord. Ouais. Là, parce que c'est fort, hein, ça. C'est fort, ah. Ah, mais ton masque ! Sur le nez, putain. Donc, il a vécu un truc un peu traumatisant, un truc un peu de film. Ah, il a croisé la un route d'un. Non. T'as dit quoi ? Non, c'est un clown perdu d'un cirque à côté. Mais non, mais vous avez vu, c'est les mecs, les clowns, les qui font peur. Moi, je parlais de ça. Mais t'as vu la vlogueuse, la vidéo de la vlogueuse qui marche et qui a un clown qui la suit, c'est pas du tout orchestré. Enfin. Bien sûr que ça l'est. Tout est faux. Bien sûr, okay. Tout est faux sur internet. Tout, hein. Oui, tout ouais. Est scénarisé. Mais c'est dans la dernière vidéo du Grand JD, il a dit que c'était vrai. Ah ouais. Bah ouais, comme ces fantômes de merde là, c'est. Oh là là, vous avez pas entendu, mais il y a eu un bruit. Il y a rien. Voilà. Non, mais tu veux dire que le surnaturel. Mais je l'adore en plus, en vrai, même moi. Attends! Ah! Parce que là, il y a un bruit. Ah, il va crever là. Mais ça, c'est pas un fantôme. Et ça, c'est pas un fantôme parce que le gars qui le fait est à côté de moi. Je peux dire qu'il est réel. Non, non, et j'adore le Grand JD. Et pareil, j'adore le Grand JD, mais le surnaturel n'existe pas. Vous avez l'info, voilà, tout le monde. Vous avez l'info, toutes ces vidéos, ça n'existe pas. Vous perdez votre temps, faites quelque chose de concret. Allez trouver un job. Ouais, je vous jure, vous perdez du temps. Ouais. Allez faire quelque chose de concret, pas comme ça, parce que non, non, le surnaturel n'est pas, n'existe pas. Faites comme Adrien, faites-vous péter dans la bouche. Et voilà, enfin. Il y a ça et le Covid qui n'existe pas. Alors. Oula, c'est pour ça qu'il met pas son masque sur sa bouche. Je vois bien. On est d'accord qu'il y a deux mois, ça c'est censuré. C'est marrant comme ça change. C'est normal. C'est vrai, mais c'est marrant comme ça change. Ouais, écoute, ouais. C'est au feeling. Hein. Oui, non, mais non, mais c'est normal. C'est, en fait. C'est vraiment normal. Un signe de la dégradation du monde. En fait. Alors maintenant, on peut dire ça. Il y a Pierre maintenant, donc voilà. Adrien, derrière toi, il y a un fantôme. C'est faux. Ça n'existe pas, ces choses-là. Oh là là, il t'a pranké. Gagner du temps. Donc, mais merci d'avoir été pire que moi pour me te dédouaner. Ouais, parce que j'avais été un peu véhément et t'as été pire. Ah non, pire, mais sinon j'adore ce qu'il fait. Et puis même lui, il est adorable en plus. De ouf. Faudrait qu'il vienne d'ailleurs, mais il est en Suisse, je crois, c'est ça. Déjà, il est immense. Bah c'est pas le petit JD quoi. C'est vraiment non, le. Très bon, finalement, grand. J'adore tout ce qu'il fait. À la base, il s'appelait le très très grand JD. J'adore. Il a c'est trop long, mais il est très très grand. Il est très très grand. Mais on aimerait bien le recevoir. Mais il y en a pas beaucoup qui ont la carrière qu'il a en vrai sur YouTube. Très longtemps qu'il est depuis longtemps. Ouais, en fait, ils sont obligés de le dire, mais c'est réel. C'est un mec de ma génération, un peu de YouTubeur. Des premiers, il avait fait le Zapping Amazing 1 pour vous dire. Ah oui, avec le monde de Loca. C'est ouf. C'est ça. On mettait pas de à l'époque comme toi en ce moment. Bon, en tout cas, toujours Kali. Le chanteur. Voilà. J'avais oublié. Très bien. J'avais oublié ce gars. Bien sûr. Il a croisé Kali, non? C'est ça, il joue de la guitare. Non, ça c'est De Palmas. Ah putain. Oui, tu confonds. Il sentait mauvais Kali, non? Non. Pourquoi? Ah, y'a pas de jeu de mots, c'est juste. Je pense juste. Quand je le voyais, je me disais, il devait sentir mauvais. C'est Steve Estatoff. Ça, c'est la meuf qui m'a pété dans les yeux aussi. Steve Estatoff. J'ai rallongé pour qu'elle me pète dans les yeux. Steve Estatoff qui vient de Grenoble aussi. Ah, notre vedette que tu nous cachais comme ça. Eh ouais, Michel Fugain aussi. Mais je sais. Non, mais Fugain, c'est incroyable. C'est génial. Parce que pas Estatoff? Si, aussi quand même. Stendhal est de Grenoble aussi. Oh là là, ouais. T'es sur Wikipédia de Grenoble? Non, mais y'a rien d'autre d'intéressant. Donc le jeune près de Montpellier. Oui, il lui est arrivé un truc un peu traumatisant. Il a croisé quelque chose. Non. N'oublie pas comment je l'ai dit, il pourra le ressortir à ses parents 2-3 Noël. Genre un péage un peu trop cher? Non. Ses parents l'ont abandonné sur la route. Alors ils l'ont pas abandonné, ils l'ont oublié. Ils l'ont oublié dans une aire d'autoroute, c'est-à-dire qu'ils sont arrêtés, ils ont pris un petit kawa, ils ont été faire pipi. Et quand ils sont montés à la voiture, ils ont fait quelques kilomètres et ils ont fait merde. Et le gamin n'avait pas son téléphone Little portable. Little Miss Sunshine. Little Miss Sunshine. Wow. Maman, j'ai raté l'avion en plus rapide, un court métrage. Le Grinch. Madame Doubtfire 2. Taxi 5. Camoulox sont là. Ils l'ont malheureusement oublié sur le rebord de la route. Voilà, ce pauvre adolescent. Heureusement, avec. Quand je dis all, vous dites inclusive. All. Inclusive. All. Inclusive. All. Inclusive. Un film de Fabio Toniente. C'est toujours c'est dispo en VOD, non? Ah oui. Toujours. Vous faites ça, vous mangez une pizza de la maman. Hop là. Allez. Petite soirée. Agacé par le bruit de ses voisins, un homme a inventé un stratagème. À votre avis, lequel? Pour les faire taire? Non. Pour ne plus les entendre? Il y a un truc qui faisait qu'il énervait. Hein, que les voisins faisaient. Les voisins faisaient un truc bruyant qui l'énervait. Et donc il a eu un stratagème pour battre ce truc là. Pour plus qu'il puisse faire ce truc. Ouais, exactement. C'est okay. Quoi qui faisait du bruit? C'est que le, si la musique, ça va. La musique, le chien. Non. Du sport. La regarder à la télé? Non. Le web. C'est des maisons, hein. C'est vraiment, on parle de. C'est pas un appart. Il a déménagé. Il faisait des barbecues. Non, mais pas con. C'est des trucs qu'ils faisaient en extérieur, les voisins? Ouais. Ils faisaient des soirées avec leurs amis. Ils recevaient des gens. Non. Du sport. Truc sur la route. Truc sur la route. Ouais. Sur la route. Ouais. Mais il a, je sais pas comment. Encore une fois, toute la sainte journée. D'accord. Okay. Pas vu le doute et pas du tout le temps. Il faisait quelque chose. Il faisait des dérapages. Alors, pas vraiment ça. Il faisait des rodéos. Il roulait très vite. Il faisait des espèces de trucs de course. C'est lui qui est responsable du prix de l'essence en hausse. Ouais, c'est uniquement ça. Ah ouais, il a un pouvoir incroyable. C'est, peut-être pas tant le bruit que le danger, le bruit, quoi. En l'occurrence, c'est le bruit. Enfin, en tout cas, du coup, il a mis des clous sur. Non. Il a construit un dodane. Non. Mais c'est une construction qu'il a fait. Une construction, une construction. Ah, un faux panneau limité à 20 km. T'es pas loin. Ah, un panneau. Il a mis un feu rouge. Un faux radar. Un faux radar, tout simplement. Il a construit un faux radar pour piéger ses voisins. J'aime bien. C'est fou comme la Belgique. Un mec en Belgique, fort de son expérience dans un atelier de carrosserie, il a fabriqué un faux radar à partir d'images trouvées sur internet. Un de ses voisins a également mis la main à la pâte en imprimant l'autocollant de la société. C'est faux radar. Tout est fait pour tromper l'automobiliste et dissuader de ne plus enfreindre la limitation. Ça flashait vraiment ou pas? Je suis fan. Est-ce qu'il avait une petite télécommande pour jusqu'à la pose d'une jusqu'à la pose d'une lampe que l'homme peut allumer à distance grâce à une télécommande. J'adore. Installé derrière sa fenêtre au dernier étage de sa maison, il guette ainsi les fous de vitesse et il est trop fort. Et ce qui est fou, c'est qu'il a tellement bien fait que ce faux radar a été référencé sur Waze. Oh, génial! Donc, c'est-à-dire que sur Waze, les gens disaient attention, il y a un radar. Génial! La police locale a confirmé que le dispositif est dans les clous de la légalité car il n'est pas sur une voie publique mais dans un jardin. Donc, en fait, il a le droit de faire un faux radar dans son jardin. Parce qu'après tout, Il y a le moment où il se dit, mais en fait, je peux vraiment envoyer les amendes. Il y a vraiment le moment où ça va trop loin et il se dit, c'est devenu en fait, j'ai les plaques. Ouais, alors c'est en Belgique. Et ça devient un arnaqueur, quoi. C'est en Belgique parce que malheureusement, en 2016, un habitant de Charente-Maritime avait installé deux faux radars sur les arbres devant son habitation. Et lui, par contre, la police l'avait prévenu qu'il s'exposait à une amende de 135 euros. 135 et euros. Peine de mort, malheureusement. Ça, ouais, c'est ça qui est uniquement un peu dur. Pour ça. Ouais. Donc c'est vraiment ils la ont France. Vraiment, ils ont réinstauré la peine de mort. Et pour ce mec. Bah, tu sais, la France, elle va faire les courses. Oh là là! Oh non! On est pas loin du caca! Non mais là, il faut changer. Vous devriez faire un produit dérivé? Un cadeau pour vos, vos auditeurs, c'est mettre vos voix dans Waze. Pour les GPS, c'est toujours sympa ça. Pas bête. Et justement, c'est marrant parce que Lorenzo, alors que j'ai pensé à ça avant qu'il arrive, Lorenzo l'a fait. Ah ouais? Il a fait pour expliquer aux gens, Lorenzo est passé vite fait à un moment parce que je l'ai Lorenzo coupé au montage. Lorenzo le rappeur est cousin. Et c'est le cousin d'Ivic. Cousin de Tex. Tex qui va passer aussi tout à l'heure. Ah, trop bien. Chambé ça. Il y a une chronique dans l'émission. Ta famille. Mais Benjamin Tranier fait sa voix aussi dans Waze. Ah ouais, ouais. Où il fait les beaufs. Où il fait le beauf. Oh putain, je l'avais mis, moi vraiment. C'est-à-dire que je conduisais, c'était la voix de Benjamin Tranier. Ah, pendant combien de temps t'as coupé au bout de combien de temps? Non, pas si. Alors, pas si long. Oui. Tu me tends un peu une perche. Quelqu'un t'a pété dans la bouche. Oui, ça c'est vrai, c'est 100% vrai. Merde. Putain. C'est pas possible. On avait enregistré effectivement une émission, parce que des gens me la demandent, avec Benjamin Tranier, Sarah Succo et Jamil Le Schlag. Et il y a eu un problème d'enregistrement, mais on va la refaire en fait. Donc c'est pour ça qu'on vous l'a pas dit. On va les réinviter. On attendait un peu parce que c'est toujours un peu gênant. Vous allez la refaire telle quelle? On a tout de mémoire. Non mais du coup voilà, on attendait qu'il se passe quelques mois. Sarah Succo, avec qui tu as joué dans Place Publique d'ailleurs. Exactement. Avec Daniel Jaoui. Un couple s'est marié à un endroit assez hors du commun, selon vous lequel? Et après on passe dans la métaverse. Bon putain. Putain, t'as très bien joué. C'est ça? Alors, si tu sais où dans le métaverse? Je me suis marié deux fois dans le métaverse. Avec la thune de ta NFT là. Ils ont été mariés par un singe de merde. Non. Avec des tatouages dégueux. Ouais. Non, pas du tout. Peut-être que ce singe-là, il peut racheter ta vie. Sans problème. Sans problème. Même deux vies. Sans que ma vie ne vaut rien et perd en valeur chaque jour qui passe. Je te le dis comme je le pense. Dans 5 ans, je suis à la rue. Je mourrai dans l'oubli. Donc remplissez Toulouse, Bordeaux et Lille. Voilà, s'il vous plaît. Ça ne m'empêchera pas de mourir dans l'oubli. Non, après les gens me disent oui, ça va, t'as ça fait va. Beaucoup de blagues. Non, tout va bien. Alors non, ça ne va pas. On n'a pas d'NFT de singe. Voilà. Comment voulez-vous que ça aille? Pardon, donc du coup. Subé à ma chaîne Twitch, même si je stream plus, ça me fait de l'argent. Voilà, si vous voulez m'aider. Tu fais des streams, j'ai envie d'en faire. J'ai arrêté depuis. Ça fait plus d'un mois là que j'ai rien fait. Pourquoi? Pas l'envie. Mais ça va revenir. Mais là, j'ai perdu le rythme et tout. Tu faisais quoi dans tes streams souvent? J'ai fait des streams de dessin, mais pas tant que ça en vrai. Mais je faisais aussi des jeux. Je faisais aussi des jeux de dessin. C'était le Pictionary. Oh! Où les gens proposaient des trucs à dessiner, après je les dessinais et les gens ils devinaient dans le chat. Et sinon, je faisais aussi des trucs genre discussion, machin. En fait, souvent, je lançais des streams en disant bon, je sais pas du tout ce qu'on va faire, mais on verra. Et en fait, c'est avec les interactions, ça finit par donner des idées. Ça se passe toujours bien. Ouais, franchement, c'est toujours bien passé. Moi, j'apprends de fou ça. Bah moi aussi ça me terrifiait le live avant. Puis en fait moi c'est le côté en direct en fait moi qui me fait un peu flipper donc, ouais. Bah, moi, j'en fais pas. En fait moi, des fois, je regarde et je fais, bah là, il parle pas du tout, le mec. Genre, des fois, il y a des mecs, vraiment, ils sont là, ils sont en mode, bon, on attend, ils jouent à des jeux ou un truc comme ça. Mm-hmm. Ils jouent et il va pas parler pendant 5-6 minutes. Oui, des fois, c'est chiant, ouais. Et je me dis, bah là, il y a 900 personnes qui sont comme moi en attendant. Je me dis, moi, et quand j'en fais des fois pour me marrer avec ma play. C'est dégueulasse avec la caméra de la play. Ah, tu stream parfois? Ouais, ah, avec ouais. Une chaîne Twitch qui s'appelle Didier le Zozo. Oh là, mais ne le dis pas, du coup, il va y avoir plein de gens. Bah, je sais pas s'ils vont envie de voir mes streams, parce que c'est moi qui joue à FIFA. Bah, ouais. Sur mon canapé. le set est pas ouf, le micro, c'est le micro de la manette. Et j'ai acheté une caméra de play vraiment pas ouf, tu vois. Comment les gens savent que c'est toi? Comment ils sont abonnés? Parce qu'une fois, j'avais fait un FIFA sur la chaîne de Gotaga, il m'avait invité. Et j'avais donné l'adresse et j'avais eu 10 000 followers d'un coup. Ah, oui. Ah, okay. Donc, du coup, j'ai une petite communauté, genre je peux monter des fois à 300, 400, donc c'est marrant, tu vois. Mais j'ai toujours le besoin de remplir. Ouais, mais c'est et de parler pour essayer de les animer, amuser. Ouais, tu bien vois. Sûr. Bah, des fois, j'en vois vraiment qui peuvent pendant 2-3 minutes. Après, le truc, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui mettent Twitch, et beaucoup de gens qui mettent ça en fond, tu vois, ouais. Qui sont pas vraiment en train de regarder et tout, qui mettent ça pour avoir une présence comme on faisait avec la télé. Avec la télé, quoi. Donc bon, après c'est vrai que c'est une présence pas ouf quand la personne parle pas, du coup. Mais c'est pas je sais pas. En fait, je pense qu'il y a aussi des gens quand ils atteignent un certain degré de célébrité et de popularité, ils se permettent de pas parler pendant longtemps. Et ils disent, bah de toute façon les gens ils vont rester parce que je suis une resta, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que les gens qui sont moins bon, j'adore écouter moins les silences des stars, j'adore. C'est ce que je préfère, moi. Un bon silence de star. C'est quoi ton silence préféré? Ah, je pense De Niro. Hein. Ouais. Tu peux nous le faire là? Tu peux nous faire le silence de De Niro pour voir ce que ça donne à peu près? Attends. On sait que c'est bon, comme tu peux. Quoi. Ouais. Bon, je sais pas si je vais bien le faire, mais. Attends. J'ai pas réussi. C'est De Niro le fait mieux, mais voilà. Il y a un truc de. Adrien, je crois que tu sais le faire, toi. Vas-y, ouais. Ah ouais. Ah ouais, bah tu le maîtrises mieux que moi. C'est le mouvement de tête qui joue beaucoup. Ouais, j'ai cru que t'allais hurler. On m'a pété dans la bouche. chers amis, oui, les auditeurs, moins drôle que la blague que t'avais en tête, pardon. ça se tend entre nous, Adrien. Ça faut qu'on fasse attention. Peut-être par rapport au fait que tu m'as mis une mauvaise adresse et que tu m'en veux beaucoup. Ouais. Moi j'ai mon masque, t'as vu, j'enlève pas depuis. Non mais. Pareil. Il y a vraiment que Yvick qui. La même, il a dit. La star, là. J'ai dit aux auditeurs que vous étiez là, donc ils ont une pléthore de questions à vous poser. Une question déjà très personnelle. Freddy, as-tu des nouvelles de ton scooter? Est-ce que tu l'as retrouvé? Est-ce que tu l'as racheté un? Il faut dire que tu t'es fait piquer ton scooter. De la même manière que Jérôme Niel. Une manière un peu dommage. Est-ce qu'on peut la dire aux gens, peut-être pour les gens qui ne te suivent pas? On était en doublage de Phantom Force. On fait une journée de doublage. Ça se passe trop bien. On est trop contents. On sort. Il fait... Putain, ouais, mon scooter... non, je crois qu'il cherchait clés. Ah, t'as assisté à ça? Ouais, j'étais avec horrible. Lui. Ouais. Il cherchait clés, il fait, merde, j'ai pas mes clés, mon scoot. Sur MP3, c'est MP3 en plus. C'est, ouais. Et il dit, ah bah, j'avais laissé les clés sur le scoot. Aïe. Et donc, c'est ce qui t'est arrivé, Freddy aussi. Mais après, quel bonheur pour la personne, pour le voleur qui est passé, quoi. Ouais. Et c'est quoi la suite de Jérôme? On sait pas. Ah bah. Il est monté sur scène, c'est ce qui l'a motivé, donc tu vois ce qu'il reste à faire. Pour s'acheter un nouveau scooter. Allez le voir. Sur scène, c'est très drôle. Très marrant. Totalement fou. Je l'ai vu, il y avait Freddy à côté de moi. Freddy a détesté. Alors, j'adorais. Non, Freddy était à côté de moi et on s'est tapé des barres comme jamais. Et ce que j'ai. En plus, ce que je kiffe dans son spectacle, c'est qu'il fait des vannes. Enfin, tu rigoles. Tu peux rigoler à des vannes très évidentes, ouais. Mais il y a des petites subtilités qu'il amène que je trouve très fortes. Fou. Et des trucs de jeu, c'est vraiment très drôle. Il en tournait d'ailleurs lui aussi dans plein de dates en France. Mange bien dans le micro, les gens adorent. Comme ça, on se prend des réflexions. Il pète dans le micro, il peut manger dans le micro. Mais par contre, il mange avec le masque. Ouais. Ah bah non, c'est pas possible. C'est pas possible, effectivement. Il fait tout ce bruit que vous entendez avec son cul aussi. Il marche avec son cul. Donc, ouais, Freddy, écoute, t'es le scooter. Le scooter, quand je me suis rendu compte qu'il était plus là et les clés avec, déjà j'ai fait le lien. Ouais. Ça, c'est la première chose déjà. T'as fait beaucoup de Mickey Enigme. T'es un très bon détective. Ouais, exactement. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé la police. Ouais. La police, ils m'ont dit écoutez. Ouais, j'avoue. J'avoue que c'est rare quand même que j'appelle la police. Enfin, je sais pas, c'est peut-être la deuxième fois. Moi, j'ai jamais appelé la police. J'ai été à la police parce qu'on m'avait volé mon portefeuille. Donc il est obligé de faire une déposition. Mais je crois que j'ai jamais appelé. Je le sais d'ailleurs, non. Je n'ai jamais appelé la police. Ouais, je n'ai jamais appelé la police. Donc ouais. Venez. Ouais. Non, jamais. Ouais. Non. Ok. Non, c'était pas la police que j'ai appelé. Sale fragile. J'ai pas appelé la police. J'ai appelé des potes. 3-4 potes avec des battes. Rappelle-toi, ça fait des années qu'on se calcule plus. J'ai effectivement. Ok, je vais faire autre chose. Donc j'ai appelé. J'ai fait la police. T'as appelé la police, ouais. Non, c'est le 17, je sais plus. C'est le 17, j'ai attendu longtemps. Mais en fait, le truc, c'est que sur mon. Il est tracé, en fait, mon scooter. Et la technologie. Bien joué. Elon Musk. Mes satellites. Ouais. Du coup, il y a un satellite qui m'a donné la position du scooter. Ah. Ouais. J'ai vu la rue. C'était pas extrêmement loin. Mais je me suis dit, ah, c'est dans une impasse. Est-ce que j'ai envie d'y aller? Ouais. Non. Sachant que mon scooter est volé là-bas. J'y suis quand même allé, j'ai regardé, je l'ai vu au loin, je me suis dit, bon, bah, je pense que tout va bien. J'ai appelé les keufs, et en fait, comme je suis un peu débile, je leur ai dit, bah écoutez, en fait, je les appelle, c'est un peu long, je les ai en ligne, je leur explique le truc, je leur ai pas dit que j'ai perdu les clés, évidemment, enfin, je leur ai pas dit que j'ai laissé les clés dessus pour une histoire d'assurance, mais en gros, je leur dis, ouais, bah, je pense que j'ai fait tomber mes clés en montant les courses, et là, mon scooter est plus là, la personne a dû partir. T'as menti avec, à la police, c'est pas. J'ai menti à la police. Là, tu redeviens gang, à nos yeux. Exactement, mais... voilà, la prison. Là, je suis ressorti, tout va bien, hein, c'est bon. J'ai un bon avocat. Et en gros, je leur dis, bah, il est au bout de la rue, il est là-bas, et. Pendant que je développe, moi dans mon esprit j'ai, bah ils savent où est le scooter. Ouais. La personne va venir le récupérer. Ouais. Ils se mettent en planque dans une voiture avec des vitres teintées, bien sûr. Avec des donuts et un café chaud. Ils attendent qu'il arrive et ils lui disent oh là là. Et là il le fume. Et là il le fume, c'est terminé. Il dit c'est terminé là, pour toi. Tu vas voir dire merci Mel Gibson pour ce sauvetage. Voilà exactement. Et pendant que je développe, je m'arrête de parler sur cette idée en disant bah il est au bout de la rue, donc ce qu'on peut faire c'est je m'arrête et je dis on est d'accord que vous avez pas que ça à faire que d'attendre que quelqu'un vienne sur le scooter. Elle me dit évidemment. Elle me dit que pour qui c'est exactement ça. Elle me dit bah écoute on va appeler la fourrière. Il y a une équipe qui va venir et je me dis ça va prendre tellement de temps tout ça. Je dis bah oubliez. Je raccroche. Je vais chercher mes clés chez moi parce qu'en fait là j'étais chez ma meuf, j'avais un double des clés et du coup j'ai récupéré ce scooter. Ah mais ok. Mais je savais pas ce qu'il y avait autour. Du coup bah j'y étais un petit peu discret au cas où. Ah ouais. Tu t'es fait une mission. Il y avait les gens qui allaient me dire c'est mon scooter. J'ai dit non c'est mon scooter mec. C'est ton scooter depuis 2 heures, moi je l'ai depuis 6 mois en fait. Enfin, franchement, s'il aurait dit non, vraiment maintenant c'est le mien, là c'est un peu badant quand même. Et du, j'ai pas eu besoin de négocier, je suis allé le récupérer. Putain, comme un voleur. Incroyable. Vraiment comme t'as un voleur. Ton scooter, j'ai volé mon fait. Propre scooter. Ah, t'as revolé ton scooter. Je suis désolé à celui, qui l'a pris. Et sachez que pendant plusieurs jours, il avait mon double des clés. Donc à tout moment, il pouvait se dire ah, il est là, et il partait avec. Donc il y avait un jeu de cache-cache. Ça a dû le mindfucker de fou lui aussi quoi. Genre il est oh putain, on m'a volé le scooter. Putain, c'est ouf quand même. Qu'il a appelé la police. Il s'est dit bah écoutez, j'avais un scooter là depuis 2 heures, il est plus là. Voilà. Sauf que lui ne pouvait pas le tracer. C'est complètement dingue. C'est fou ça mec. C'est une bonne histoire. Yvick, pourquoi avoir décidé de vendre une pizza? Comment ça s'est fait? C'est Universal. Il a niqué tout le truc. Universal était à la base du projet. Ils avaient réalisé ça avec donc Captain Bra, rappeur allemand. Ça s'est très bien vendu là-bas. Et voulait faire un peu le même projet en France. Et moi, ça m'a grave parlé parce que je trouve le délire très américain de faire des produits dérivés, mais qui soient hors agenda, hors album pour ma part, ou hors BD ou hors truc, mais qui soient maintenant comestibles. Et étant en plus moi-même plutôt un consommateur de junk food, j'ai envie de. Je trouvais le projet cool, je trouvais ça très ricain en fait. Ouais, bien sûr, le concept, je trouve grave qu'un riz. Donc j'aime bien, je sais qu'au States, il y a beaucoup des marques de chips avec des têtes de rappeurs et des trucs comme ça. Des stéréales. J'ai de très bonnes chips DJ Khaled de mon côté, c'est vous dire. C'est vrai. J'adore. Donc ce genre de truc là me parle à fond. Et moi, ça me parlait vraiment. Et en plus, j'aime bien le fait de. Et je trouvais que le concept est cool comme. Moi, j'aime bien faire des propositions. Comment dire, commercial ou du moins proposer des trucs logiques, des produits pas vraiment logiques non plus, tu vois, mais de le faire bien quoi, et de le faire de la meilleure manière, et puis surtout avec un personnage, une vidéo, une vraie promo, ça me faisait aussi faire un, c'est ça qui est galerie, moi je trouve, voilà, ouf, c'est que c'est la pizza de la mama et que sur le packaging c'est pas ta tête vraiment, non, avec une fausse moustache et machin, et c'est ça qui est galerie, c'est un perso à fond, donc moi, c'était surtout le projet et tout ce que je pouvais créer autour de ça qui me plaisait. Et en plus, la vanne va tellement loin que ça me plaît, à mort. Quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai qu'en produit dérivé, tu parlais des chips de. DJ Khaled. Le fromage de chèvre de Busta Rhymes est incroyable. Ça m'a bluffé le jour où je l'ai goûté. Je me suis dit quoi ? Putain, il aurait fallu faire une rubrique sur les meilleurs produits dérivés de. Ouais, bah excuse-moi. Excuse-moi, il dit je cherche. Vous avez un produit dérivé de Star qui vous a marqué ou non, pas? Non, rien moi. Non. À part les pizzas de Mister. Freddy, j'apprécie particulièrement tes vidéos de voyage. Penses-tu en faire d'autres ou peut-être pensant de te filmer pendant un voyage? Cette question s'adresse aussi en story peut-être si YouTube n'est plus ton truc. Bon, après le Covid, c'était un peu compliqué quand même. Ouais, de ouf, de ouf. Mais en vrai, en fait, c'est très égoïste, mais j'allais dire de manière très bête. Moi aussi, j'aime les vidéos de voyage, mais parce qu'en réalité, je les faisais sans. En fait, je me suis rendu compte d'un truc récemment, c'est que j'adore. Enfin, je m'amuse beaucoup seul quand je suis dans la spontanéité. Ouais. Et du coup, ces vidéos-là naissent de la spontanéité parce qu'à la base, j'étais pas censé faire des vidéos. Mais c'est ce qui m'amuse le plus. Du coup, forcément, j'en faisais quand je partais seul. Ouais. Deux choses, je crois que maintenant, depuis que je suis en couple, ça sera un peu plus compliqué de partir seul, même si c'est possible. Super. Mais c'est vrai. Le message envoyé. Elle voulait au pied là. Posez-vous jamais, ok. La patronne, elle va gueuler ou quoi? Non, mais c'est vrai. Je crois, sans réfléchir, que. Mais oui, c'est vrai. Je sais pas si c'est une bonne réponse, mais en tout cas, le fait de partir, forcément, je penserai à ça pour me dire ah, c'est vrai, je suis seul en voyage. Est-ce que c'est normal d'être seul en voyage? Ouais. Est-ce que je le fais pour une vidéo et du coup c'est un peu nul? C'est ça, si je le fais, c'est vraiment qu'il faut que j'en aie envie. Et à l'époque, en fait, je partais parce que c'était des burn-out. Ouais. En fait, il y avait des moments où j'en pouvais plus. Ouais. Après le taf, il y avait un truc de là, je craquais, je voulais plus voir personne. Les vidéos, vous rigolez beaucoup, il est pas bien à ce moment-là. Mais quand vraiment c'est le taf, à l'époque, il y avait vraiment des trucs de la musique. Fallait être là constamment, etc. Et tout. C'était l'époque Petit Journal et Quotidien, mine de rien. Ouais, même si c'était génial, c'était des super expériences. Rappelons-le, t'écrivais pour Panayotis. Et... Exactement, et donc on t'a fait de ouf, etc. Le rythme était fou, et il y avait des moments où j'avais envie juste. Mais en vrai, même ici, de temps en temps, j'aime partir seul. Je peux me balader sur Paris toute la journée, voir personne, et ça me va très bien, tu vois. Et c'est vrai que tu fais plus de voyages, mais par contre, ce qu'il me disait, c'est qu'il fallait dans les sex shops de ouf. J'adore ça, putain. Mais franchement, c'est l'endroit où je voyage le plus en fait. Ah bah là. Parce que des fois, on va à l'autre bout de la planète, on se dit, mais dans un sex shop, on va voyager. Il y a des odeurs nouvelles, il y a une ambiance, c'est incroyable. Et il y a des pizzas de la mama là. Pizzas de la mama. Putain, délicieux. Il n'y a pas de. Bon, Adrien n'ira pas parce qu'on peut pas. Une femme a pété sur moi. Il y a des services qu'il n'y a pas. Ouais, voilà. Il y a des services qui sont pas en charge d'argent. Une femme a pété sur moi. Il n'y a pas encore ce truc là. Parce que bon, c'est très précis. Mais cela dit, alors je sais pas du tout comment tu vas prendre cette phrase. Et si c'est mal, je couperai. Mais tu es un excellent. Une merde. Non, tu es un excellent. Mais c'est le cas de vous trois en vrai. Vous êtes d'excellents invités. Je peux le garder que pour moi. Non, c'est pour vous. Moi, tu dis. Je prends tous les compliments. Vous êtes des excellents invités. Vous êtes des excellents invités chez les autres. Vous me faites. Dès que je vous vois en fit chez des autres, je regarde la vidéo, même si. Je ne suis pas le youtubeur en question ou la personne en question. Parce que je trouve que vous êtes. Et y a plein On est devenu un binôme d'invités, je sais pas si t'as capté. Ouais, nous deux. Un peu comme Adrien et moi. Et c'est vrai que c'est souvent quand on me demande tu veux la faire avec qui, c'est tout le temps Freddy que je réponds. Et je viens. Mais non, mais même parfois quand t'es chez Aurélien, Prévost, enfin tu vois. Là, je fais les princes et Freddy va faire avec moi les princes de l'amour. Oh! T'as voulu pas c'est de la rêve pour que ce soit bien drôle, mais en vrai, c'est marrant. L'image. Il y a 2-3 auditeurs qui l'auront. L'image me fait rire de voir Freddy et moi faire une télé-réalité. Genre un secret de merde et tout, machin. Ah, mais j'ai proposé une télé-réalité à l'époque. Oh, oui, moi aussi! Par exemple. Attendez. Secret Story, 3 ans de suite. Ah ouais? Et le secret c'était genre je suis connu sur internet mais du coup j'étais pas assez connu trop nul de ouf. Et tu pourras faire Tex et mon cousin. Moi c'était un truc de l'expérience, tu sais, on est tous dans un immeuble, on se rencontre pas mais on échange sur un réseau, une sorte d'intranet. Ah ouais, ah, mais c'était le truc de Amazon ouais, Prime. Exactement, Netflix, ouais, c'était ça ouais. Le Vice Blind la télé, là. Non, c'était avec j'ai pas vu le truc, mais tout monde a un... ah, oui, c'était Netflix je crois. Sorti, bon voilà, on s'en fout. Ah, c'était une télé-réalité ou... Ouais, c'est une télé-réalité, ouais. Mais parce que en fait, c'est tellement amusant d'être invité selon les endroits. Et en plus, surtout, souvent, moi j'y vais pas pour des promos. Donc en fait, il y a un truc. Oui, c'est juste que tu viens kiffer quoi. Ouais, de ouf, ouf. Ah, bah, pareil pour vous. Hein. Bah ouais, nous on est moins invités. Mais, ouais. Et c'est vrai qu'après, moi c'est parce que aussi, c'est pas évident d'avoir une bonne cohésion avec des gens. Et sur YouTube, c'est difficile des fois. Tu t'es invité chez des gens et tu dis est-ce qu'on va bien s'entendre? Je me rappelle quand j'avais fait Ardisson par exemple. Ouais. Bah, je m'étais retrouvé avec Natou, on était tous les deux, on se retrouve dans un monde qu'on capte pas. Ouais. Et en même temps, il y a Ardisson qui nous envoie des bons pics dans la gueule. Ouais. Il fait ça, Ardisson. Il l'a fait un peu, ouais. Et je sais qu'en plus, avec Natou, bah, on se connaît, mais on n'a jamais vraiment trop fait de trucs ensemble. Donc, ouais. on se retrouve un peu en mode bon, qu'est-ce qu'on arrive à avoir une porte de sortie à deux ou en train de réussir à un peu se pousser là. Bien sûr. On n'avait pas eu trop ce truc, tu vois. Bah non. Et je sais que c'est trop important quand t'es en. Moi, je sais que genre Ramzy m'avait proposé Kems. Ouais. Je sais que j'ai dit à Freddy tout de suite parce que je sais que. Et puis j'étais là en plus. Hein ? J'étais là en plus. Non, t'étais pas là du tout. Non, j'étais pas fait. Oui, j'étais pas fait. Ah oui, c'est vrai, ça c'est pas. Oui, c'est vrai, c'est bon. Et Ramzy m'en a voulu. En cas, si on va. T'inquiète pas, si on va tous les deux chardissons, on démonte Ardisson. Malheureusement, maintenant il le fait avec des gens morts, donc c'est. Ah, c'est vrai, c'est ça, ouais. C'est quoi, oui, il y a une émission où c'est des gens morts qui recréent en deepfake. Ah ouais ? Là, il va interviewer Dalida. Bondel. Très bondel. Dalida. Oh là là. Delighted. Les gens nous demandent, Adrien, pourquoi on déteste le Grand Est. Alors ça nous permet de répondre un petit peu. C'est par rapport au fait qu'on a fait une tournée, enfin on a organisé la tournée du Floodcast et on ne passe pas dans l'Est. On passe pas non plus à Marseille. Ok. Donc c'est pour expliquer aux gens. Le Grand Est, c'était l'émission. Moi aussi, je crois que c'était le fait de tester. Ah non, le Grand Est. Genre de sandwich triangle. Saint-Dié-des-Vosges, Strasbourg, voilà tous ces endroits-là. C'est vrai que vous détestez Strasbourg. Alors en l'occurrence, on a dit Colmar. Je crache sur Colmar tous les jours. Ouais. Non mais en l'occurrence on peut pas passer dans toutes les villes parce que ça va paraître fausse modestie de malade. Oui, mais on est pas assez des rostas pour. Voilà, on peut pas remplir partout en fait. Là ouais, on est obligé de faire pas beaucoup de dates. Par exemple on a fait Rennes et Nantes qui sont entre très grosses guillemets pas si éloignées. Mais qui sont éloignées mais vous m'avez compris quoi. Moins éloignées que Bordeaux et Lyon par exemple. Parce que c'est très étudiant, assez jeune, et c'est pile, par exemple, la tranche d'âge des gens qui nous écoutent entre 18 et 24 ans. Tout le contraire des vieux qui se trouvent au Grand Est. Non, mais voilà. Donc, c'est pour ça. En fait, Strasbourg et Marseille, voilà, c'est des villes, effectivement, comme tu dis, notre tourneur nous a dit, faites déjà ces dates-là et voyons comment ça remplit. Le fait est qu'on a rempli assez vite, ce qui prouve qu'on a un public qui est chaud. Ça veut pas dire qu'on a un public qui est large. Enfin, tu vois, ça veut. Ouais. Et en l'occurrence, par exemple, alors ça remplit très vite, mais Bordeaux ou Toulouse, des villes plus dans le sud, on met un peu plus de temps. Voilà, c'est. Après, c'est quoi plus de temps? C'est combien de temps pour vous? C'est quelques jours en plus, quoi. Ouais, mais attends, vous avez annoncé quand la tournée? Mercredi. Et là, on est vendredi. Mais ouais, j'avoue, même quand je regardais tes stories où tu disais, eh là, vous pouvez y aller, je me disais, mais c'est le début, vous avez déjà rempli 80%. Ça va, en fait. Et après, on dirait qu'ils parlent d'un échec commercial. Non, mais non. Ah bon, là-bas. Mais en vrai, on savait pas. Non, mais en vrai, vous l'avez annoncé quand? Très vite. Il y a 5 minutes. Mais... c'est incroyable. Eh les gars, ça fait 8 minutes et Bordeaux, c'est que 80% déjà. Ça va, en fait. En vrai, ça va. Ça non, va. Mais c'est un gros succès déjà. Non, mais c'est un succès. Mais après, je pense pas que ça va se remplir. C'est ça, moi c'est je pense ça que c'est je voulais des dire. Les gens ils achètent leur billet et après tu laisses une semaine, je pense pas que ça va. D'accord, se vous pensez que c'est le début, c'est au début que ça prend. Je pense que c'est des éditeurs. C'est pas, ce que je me dis, mais après on a aucune expérience. On a aucune expérience. Et moi je pensais pas qu'on serait complet. On a rempli le Bataclan. Pense à eux, ok. On a rempli le Bataclan le plus rapidement de l'année. Oui, oui. Voilà, c'est ça notre expérience quoi. Non, mais le remplissage le plus rapide de tous les temps? Non, pas de tous les temps, mais de l'année en tout cas, ouais. Combien de temps? 5 minutes. Quoi? Ouais, c'est génial. Ouais. Non, mais voilà, on a un public qui est chaud. Vous êtes les Laylo de l'humour. C'est nous. C'est nous. En plus, je connais grave des chansons de Laylo que je peux citer là comme ça. Non, c'est le Laylo du podcast. Du podcast. Ouais, du podcast. Une chanson de Laylo, Bien Flo. Sûr. Rap. Il y a trois fois rap dans le. Il y a ripi-ripi-rap. Mais il y a aussi cette fameuse chanson que t'aimes bien aussi. De ouais, Laylo, quand deuxième. On danse, point d'exclamation. Laquelle, pardon? Quand on danse, point d'exclamation. Ouais, ouais, ça, c'est pas mal. J'aime beaucoup. La dernière, on danse. J'imagine. Et l'outro, c'était quoi déjà de l'album? L'outro, c'est. Tu peux chanter un peu la mélo? Je peux chanter, ok. Ouais. Pas du tout, Laylo. Alors, comment ça va les man? Comment ça va le rap? Vous êtes là? Vous êtes où? Je prends mes jumelles parce que vous êtes loin de moi. Parce qu'après, il chante. Mais ouais. Après, il se réinvente. C'est marrant parce que rien à voir avec le titre. Ouais. Non, mais ça, c'est Laylo. C'est le couplet. Ça, c'est Laylo. C'est Laylo, c'est ça. C'est marrant que Joe Cohen chante comme ça, premier Doug. Lui, quand il chante ça, premier Doug. Aucune fun. Le name doping c'est terminé par contre. Pierre Ninet, c'est marrant parce que il écoute Laylo aussi, il paraît. Tu te prends pour qui en fait? Pardon. Je me suis fait péter plusieurs fois par plusieurs femmes en fait. C'est un truc récurrent dans ma vie. Ouais, alors que le mec il me dit ouais, tu veux faire une hoops demain, on joue au basket, c'est avec François Civil. Bah c'est pour te motiver parce que je sais que t'adores les stars. Ouais, il n'y a pas eu de César, donc ça m'intéresse pas. Comment Freddy et Yvick se sont rencontrés? Tu sais que je me suis posé cette question-là il n'y a pas longtemps, de notre première fois de collaboration, même d'échange, frère. Je sais même pas d'où ça. C'est une vidéo multiprise ou non? C'est Insta? C'était Insta, je pense. C'était pas via Pana? Je pense que c'était Insta sur les réseaux, je pense. C'était avant Pana ou Pana. Pourquoi moi je bossais avec Pana que je rencontre à la Bleu d'Huez. Il parle de Jeff Panaclock. Hein. Ouais, pas de Pana. On écrit pour Panaclock. Pana, la Bleu d'Huez. La blague où il dit ouais, Kenji, le gitan, il vole. Ça, ouais. C'est moi. Ça, c'est. Voilà. Ouais, peut-être. Je sais pas si on s'était tant parlé que ça à l'Alpe d'Huez. Tu vois ce que je veux dire? Non, toi c'était. Ah! Moi j'étais à l'Alpe d'Huez, tu avais trouvé cette vidéo très drôle avec Panayotis et on dira quoi? Et on dira enquête. C'était génial, très drôle. Ah, t'étais là sur le moment là? Non, mais je l'ai vu sur Internet. Et j'avais beaucoup rigolé. Mais est-ce que toi, Freddy, on s'est rencontrés, j'arrive pas à savoir notre rencontre. Je te jure, c'est un truc. Ouais, mais pareil, hein. En fait, tu vois, pour moi, c'est marrant, tu parles de l'Alpe d'Huez et tout. Pour moi, c'était genre des DM sur Insta. Alors que il y a peut-être eu une rencontre avant. Pour moi, il y a eu un follow. Tu sais, un truc de. Ouais. Moi, je te suis sur. Enfin, via John Rashid, je t'ai découvert sur Vine. Ok. Je ah oui, ça date en fait. Ouais. Ah, je savais pas, ok, d'accord. On est, je pense, à 2014. Mais tu m'as pas suivi pour autant sur Vine à l'époque. Si. Je te suivais sur Vine. Ah ouais. Je te suivais sur Vine. Ah, je m'en rends. Vous avez dit ça pour rire et en fait, c'est vrai, ok. Non, je te suivais sur Vine. Et après, j'arrive pas à savoir la première fois qu'on a bossé ensemble. Bah, rap versus réalité 2. C'est la première fois c'est le premier, je pense. Hein. Ouais, je crois. Hein. Ça va, bon début. Je crois pas qu'il y ait eu d'autres, d'autres avant. Classe. Ouais. Question pour Mister V, qui est devenu le poster voté Didier Gustin? qui était issu de ma vidéo La Beau Fessie chez le studio Bagel. Chez le studio Bagel. Le studio Bagel qui est back depuis aujourd'hui d'ailleurs. C'est vrai ça. Et qui va nous permettre, tous les quatre, de diffuser. Exactement, des sketchs. Parce que là, vous parlez à des gens qui partage plein d'anecdotes, mais qui surtout partage un projet ensemble qui s'appelle MST. Il a droppé le nom. Moyennement sûr du titre. Et vous avez compris, c'est les initiales de moyennement sûr du titre. Je suis très content. Et donc, ouais, ça sort courant. Mars. Mars, les premiers sketchs. Ouais. Et le sketch show donc sortira en avril. Ah, et donc, pardon pour en revenir au poster de Didier Gustin, il était dans mon ancien appart sur la porte. Et en déménageant, je me suis dit, il serait bien d'avoir une déco d'adulte. Et je l'ai enlevé. Parce qu'avoir des posters de blagues, c'est drôle. Ouais, c'est grave ridicule, ouais, grave. Non, mais c'est cool au début. Toi, c'est hyper adulte ta déco. C'est vrai. Ouais, c'est. Non, mais il n'y a plus les trucs. Les trucs au mur. Ouais. En tout cas. Il y a quelques références. Il y a de Harry Potter un peu. Il y a ce truc que si je dois avoir une vanne, c'est vraiment une vanne. Que tout le monde capte, genre voter Didier Gustin. C'est un peu niche. Et ça fait surtout, regarde, c'est un peu le musée de mes sketchs. Qui est, ah oui, c'est vrai, là-bas. Quelle horreur. C'est ce que je veux dire. C'est un peu. Mais genre, il me reste un poster bizarre chez moi, c'est le poster de Jean-Pierre François avec la couverture de Je te survivrai. Oh. Je te survivrai. Ah oui, c'est sur ta porte. Il vient de Grenoble. Exactement, derrière la porte, tu connais très bien. Et bien. En fait, il est issu de ce poster d'un sketch que j'avais tourné aux USA où je jouais un prof de chant nul. Enfin, je jouais et qui a jamais sorti parce que j'ai cassé le disque dur. Ça va, toi? Ah, merde. Et j'avais dans ce sketch, j'avais Anouar Djibaoui, Rudy Mancuso, ah ouais. King Bat, j'avais Lélé Ponce, tous les mecs de l'époque. Les Viner. Ah oui, Amanda Serena. Voilà, et j'avais tout joué dedans et j'ai cassé le disque dur. Yes. Il y avait Logan Paul aussi. Ouais. Logan Paul, j'avais tourné avec lui. C'est fou, hein. C'est vrai t'as tourné avec Logan Paul avec lui, ouais. Quand j'étais à LA avec. C'était toi le cadavre au Japon? Non, c'est pas. Quand j'étais avec le V à Los Angeles. On s'était incrusté quelques jours après ou quelques jours avant, une soirée chez Logan Paul. Ouais, avec Logan Paul, exactement. T'étais invité. J'avais pris des champis. Okay. Non, mais je le dis parce que c'est ma première expérience de champi hallucinogène. Autant le faire là-bas. Alors, et c'était incroyable. C'était incroyable. Je ne referais pas, justement, parce que c'était tellement bien. Ouais. Mais j'étais avec Logan Paul qui, lui, est l'homme le plus sérieux du monde, vraiment. Il n'y a pas de. Il a beau être soirée, machin et tout, il est tout le temps en train de bosser. Yvick m'avait envoyé une photo où il jouait aux échecs. Il jouait aux échecs. Il y avait la teuf de ouf et lui jouait aux échecs avec son pote. Exactement, j'allais parler de ça. Et donc voilà, excuse-moi, Didier Gustin, du coup, non. Non, ça, oui, non, bah t'inquiète. Ça a sauté depuis, j'ai en cadre le maillot de Mbappé dédicacé. Oh, okay. Monsieur. Et ça, j'en suis très fier. Monsieur V. J'en suis très fier. Monsieur Mbappé. Ça va être la fin de l'émission. Vos recommandations culturelles, chacun, je vous ai demandé avant. D'enregistrer vos recommandations culturelles. Je vous avais donné aussi une autre adresse que chez moi. Recommandations culturelles. Mon bon V. Ça sera le projet de mon frère de sang, de mon frère Juice Théo Juice qui a sorti bien son album. Bien joué. Sonic Tape. Pas de fleurs sans pluie. D'ailleurs, on avait une vanne hier. C'était de dire par exemple pas de route sans goudron, pas de pas de pain sans blé. Pas de paix sans Adrien dessous. Ok. Ouais, pas mal. Pas de table sans bois. Ouais. Manger, il y a une table. Ouais, vraiment, t'es allé tout droit. Et donc voilà, c'est sorti depuis hier. C'est génial. Pas de route sans goudron. Pas de route sans goudron, c'est vrai. C'est trop marrant par rapport à une table. Ouais. Pardon, désolé. Je pensais qu'on allait monter en niveau, c'est pour ça. Oh non, mais là j'en ai marre en fait. Il est 23h et j'ai faim en fait. J'ai pas dîné. Voilà, je suis de mauvais poil. J'ai pas bouffé pendant le floodcast comme vous, donc. Et donc le projet est sorti aujourd'hui, 4 mars. Ouais, donc il y a quelques jours pour nos auditeurs. Voilà. Et je suis sur le projet avec mon gars Tortoise aussi également. Trop bien. Et donc on est trop content parce que ça fait 2 ans qu'il avait rien sorti et le projet est vraiment lourd. Donc foncez, écoutez ça. Allez streamer même, ça, on peut dire ça. Streamer fort. Et je parle aux gens qui sont pas totalement obligatoirement ouverts au rap, ils s'ouvrent à beaucoup d'univers. Donc voilà, c'est dont pas... la salsa, et ça c'est bluffant. Hein. J'écoutais tout à l'heure, je me suis dit, mais attends, c'est. Il a invité avec Van du Pied. Qui c'est oui. C'est le sosie d'Adrien. Mon sosie Rasta Blanc. Freddy Gladieux. Eh ben écoute, j'ai là quelques petites notes. Allez. Il y a 3 petits trucs que j'ai vus sur Netflix. Je sais pas si vous connaissez cette plateforme. Je connais l'appli. Avant que tu finisses, le docu sur Kanye, c'est bon. Ah, docu Kanye, ouais, oh, génial. Putain, mais... Pour l'instant, il y a 2 épisodes. Ouais. Mais c'est déjà pas mal. Oh là là, il va falloir qu'Adrien trouve autre chose en attendant. Il a un petit temps, attention, il va scroller sur son téléphone et voir ce qu'il y a dans l'historique. Il scroll. Il scroll. Non, il y a pas d'historique. Mais voilà, il l'a acheté sur YouTube. Il y a pas. Il y a un truc qui s'appelle Le Mobile sur Netflix. Ok. Et c'est quand même vraiment pas mal. Le motif. Le mobile qu'on m'avait recommandé à 96%. Ah, pas mal. Voilà, c'est Jérusalem, 1986. Un ado de 14 ans abat les membres de sa famille dans leur lit, mais des questions demeurent. Des participants à l'affaire prennent aujourd'hui la parole. Ah, voilà. Sympa. Donc ils les butent, mais on ne sait pas pourquoi. Okay. Et franchement, j'ai trouvé ça vraiment génial. C'est vraiment. Mais faut être dans un très bon mood. Pour mais attends, regarder c'est ça. Un documentaire. Ouais. C'est hyper intéressant en fait. Ouais. C'est hyper intéressant. Tu te poses pas mal de questions. Est-ce que tu trigger warning les gens? J'ai l'impression que oui, avec le résumé, mais c'est un peu vénère quand même. Faut être dans un bon mood. Ouais, pour oui. C'est pas. C'est pas un mercredi après-midi en soirée où tu regardes ça. C'est ça. Faut être dans des bonnes petites conditions quoi. Il y a un autre truc qui s'appelle Bourari, le mystère d'une tragédie familiale. Oh, bah dis donc, ça et là, va, c'est génial aussi, c'est la découverte des cadavres de 11 membres d'une famille qui a suscité l'émoi au niveau local et national. Très bien. Les enquêteurs perplexes ont plus des questions que de réponses. Et franchement, c'est vrai. Pareil, je vous jure, c'est bluffant. C'est fascinant. C'est bluffant. Pour le coup, la réal, c'est un peu moins. En fait, faut pas s'arrêter à la réal du doc. D'accord. L'histoire est mieux que la réal du doc. Okay. D'accord, très bien. Voilà, et un dernier truc où là, il n'y a pas de décès, c'est The Puppet Master. D'accord. Et c'est en 1993, je lis tout, c'est sur Netflix. Hein. Ouais, on l'avait recommandé celui-ci à 94%, et pourtant c'est une très bonne surprise. Chose, ça, j'ai vu. C'est incroyable, The Puppet Master. C'est un gars qui s'appelle Robert, qui convainc ses amis d'université qu'il est un agent du MI5 et qui va devoir en fait les suivre parce qu'ils sont en danger. Et l'histoire est incroyable. Et c'est encore un truc vrai. Ouais. C'est que c'est tout, tout ça, c'est vrai. Apparemment, ça va même être adapté en film. D'accord. Okay. Et vraiment, l'histoire est incroyable. Il y a pas de meurtre, mais c'est pas mal déjà. Ouais, c'est pas mal, mais ce qui fait équivaut large à des meurtres. Vraiment. D'accord, okay. Pour le coup, c'est la pire personne de la planète. Ah, yeah, okay. On parle beaucoup de l'arnaqueur en ce moment. Je sais pas si vous avez entendu. Oui, de l'arnaqueur. Moi, j'ai rien vu dessus. C'est qui ça? Oui, c'est tellement fou le buzz qui s'est créé autour de lui. Terrible. Buzz de fou. Vous rappelez de ce site? Ouais. Qui existe toujours? Non. Si, je crois. Le Zap de Spion. Alors. Si vous c'était si long ça. Ah, le Zap de Spion. Tu le mettais, ça faisait ta soirée. C'est ça. Ouais, tu disais, tiens, les gars, venez à la maison, on regarde le Zap de Spion en fond pendant qu'on mange des pizzas. Maintenant, c'est TikTok. Ouais, c'est attends, vrai. On mange des pizzas, lesquelles par exemple. À l'époque, pizza de la maman. Pas celle de la maman à l'époque. Italia. Il faut s'y mettre. Bon, bah, très bien, Frédéric. Ouais, Adrien Méniel. Non mais si ouais je vais dire le documentaire sur Kanye voilà et ça a déjà dit bah tant pis je non mais c'est bien et alors c'est parce que moi non mais en gros c'est vraiment pour le coup j'étais c'est surpris. Fou mais je n'en ai pas entendu parler mais c'est vrai que ça on a, moi je l'ai un peu pour découvert ce que c'est quand même fat, parce que c'est un peu l'équivalent du enfin le même procédé que le docu d'Orelsan mais avec Kanye quoi il c'est-à-dire copié, que c'est, voilà. C'est vraiment un gars qui l'a filmé en se disant ça démarre quand même plus tard dans la carrière de Kanye parce que c'était déjà un beatmaker reconnu et il rappait déjà et tout. Mais quand même, c'était pas du tout la star. Il était même pas rappeur vraiment. Ouais. C'est vraiment le moment où il. Pas pris au sérieux en tant que rappeur. Ouais. Et ça, je l'ai découvert. Je savais pas en fait qu'il était. Oui, il était beatmaker à la base. C'était un producteur, producteur qui cherchait à devenir rappeur. C'était aussi difficile pour lui. Moi, mais tout capté, le monde. Ah, vous saviez pas? Non. Avant, moi, je connais très bien le hip hop, moi. Non, mais il était pas du tout pris au sérieux comme rappeur. Et beaucoup de gens essayaient de le dissuader. Lui disaient non, mais c'est bon, t'es producteur, tu fais ça bien, reste là-dedans et tout. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Alors, le moment Yvick. Où il sort de Rock Café là, ouais. Vraiment, il a fait écouter tous ses sons et vraiment, il dit tout le temps à son pote. putain, vraiment, j'ai vraiment besoin que les gens me reconnaissent en tant que rappeur. Cut. Il y a un mec qui passe, il fait le producteur que je kiffe le plus. C'est vraiment personne. Ouais, l'entrée de chant est folle. Il dit ouais, c'est bien. Enfin, t'as signé chez nous, t'es producteur, mais j'ai toujours pas de son. Et vraiment, juste avant, il tente de se défendre comme un fou en tant que rappeur. Mmh. C'est fou. Et ça montre. Ça montre la... Enfin, en fait, ça, ouais, la détermination du gars et puis son talent et tout, puis même une, enfin, juste en fait sa personnalité, parce que maintenant c'est devenu un personnage tellement ambigu, bizarre et hors sol. Alors, question, est-ce que vous pensez que cette dernière frasque, soit un peu faite pour la promo du docu et en même temps de l'album d'Onda 2? Bah, j'espère que non, parce que c'est quand même du harcèlement. Ouais, donc, je pense qu'il a toujours été fort en vrai en stratégie et en com, on le voit. Ouais, en mais j'ai l'impression que la frontière est fine surtout. Je pense que des fois c'est pour la com et des fois juste il va pas bien, il tweet à 4h du mat. Parce que c'est un mec, on sait qu'il est. Sa santé mentale est bipolaire. Bien sûr, il va pas bien. Bien sûr, ouais, évidemment. Donc en fait, je pense que c'est impossible de savoir quand est-ce que c'est de la stratégie ou quand ça ne l'est pas. Si c'est de la com. J'ose espérer que les gens qui sont victimes de ça, c'est-à-dire son ex et tout, sont consentants. Mais du coup, comme ça implique ses enfants, c'est quand même bizarre. Ah non, de là, comme perso, lui, ça lui permet d'exister. C'est ça que je veux dire, en fait. Oui, d'accord. Mais du coup. Qu'il n'est pas sincère, en gros, c'est ça que tu veux dire. Quand il est énervé contre son ex, c'est pas sincère. Mais oui, mais. Quoi qu'il arrive, c'est horrible. Vu que c'est public et que ça implique son ex, il pourrait dire bon, je vais faire un truc, est-ce que ça te va de le faire? Parce que ça a des répercussions sur plein de gens. Mais tu vois, il y a si c'est vrai, même si en imaginant que tout le monde a dit oui, vas-y, on joue le jeu, c'est quand même horrible parce que ça normalise ce genre de comportement et tout, donc c'est quand même horrible. Mais tu vois, il y a des vraies questions, genre, est-ce que Donda 2, est-ce que ça aurait été aussi suivi s'il n'y avait pas cette actu et ces clashs? C'est une vraie question, j'ai pas la réponse, mais tu vois. Oui, non, mais en tout cas, le fait réalité, est que ça a fait là, de la promo. Bon, là, c'est plus le podcast, mais visiblement, c'est un truc de. On est sur une. Ah non, mais des fois, on peut être sérieux. Des fois, on peut être sérieux. Mais ouais, voilà, tu vois. Florent n'a pas de voix dans sa tête. Si tu veux revenir sérieux, ça c'est quand même incroyable. Aucune voix. C'est-à-dire qu'il dit tout directement. Ouais. Des mots pour moi. C'est des mots en fait. Enfin bon, bref. Moi, j'aimerais le mater. Moi, j'avais peur que ce soit. Justement, c'est cool si c'est sur la musique. J'avais peur que ce soit trop, justement, sur santé mentale, personnalité. Non, ça va arriver là-dessus. Ça va arriver. Enfin, en tout cas, là, on nous dit que ça va arriver. J'ai pas envie de spoiler. Mais enfin, on peut le dire. C'est bien d'en parler. On peut le dire. Ça fait quand même partie du jeu. Moi, c'est pas ça qui m'a. Fin épisode 2, c'est le teaser qui arrive. C'est la suite plus problématique. Ouais. Quand il commence à. Je vais pas dire péter les plombs, mais presque en fait. Ouais, quand tu commences à être déplacé, bah non, mais je sais les grammy, tout ça. Moi, j'ai. Ouais, parce que moi, j'ai regardé, je sais plus, deux épisodes, je crois. Et en tout cas, ça teasait que l'épisode d'après, ça allait parler de son accident de voiture. Ah, mais ça, c'est le premier, ça. Ça, c'est le premier épisode qui tease le deuxième, l'accident de voiture. Ah, non, j'en ai vu qu'un, d'accord. Ok, deuxième. Mais c'est vrai, tu verras, c'est génial. Mais. Et si en plus, on aime Kanye, c'est encore plus fou, quoi. C'est-à-dire que son premier album, c'était une claque déjà de base. Franchement, tous les. Enfin, même les derniers qui sont très chelous, mais t'as toujours 3-4 tueries. Ah, bien sûr. Mais là, justement, dans la série, ça va être son premier album qui va sortir. Ouais. Il est déjà en train de tester les sons et tout. Et c'est fou, en fait, de se dire ok. Quand il avait l'espèce de mascotte, là, c'était fou. Ouais, quand il avait Gold Digger, univers, tout ça. Se démarquer et tout. Incroyable, ces albums. Late Registration. Ouais, incroyable album. Fort. Ouais. Et moi je vous conseille un film alors qui est sorti il y a très longtemps, qui s'appelle Sugarland Express, qui est un road movie de Steven Spielberg, tout simplement. Mais je crois que c'est son premier vrai film parce qu'il avait fait Duel, qui était un téléfilm qu'il avait rallongé pour le marché européen. Ça, c'était son vrai premier film de cinéma où il a eu le prix du scénario à Cannes. Et c'est pas du tout un Spielberg, comme vous pouvez imaginer ce qu'est Spielberg, Jurassic Park, E.T., tout ça. C'est vraiment un road movie sur. Une meuf qui fait évader son mari, ça c'est vraiment les premières minutes, et il se barre parce qu'elle veut récupérer son enfant, quoi, qui est gardé chez des parents de tutelle. Et c'est juste un road movie où ils se font poursuivre par les flics, et c'est avec Goldie Hawn, celle qui joue la meuf, et c'est tout le voyage de ce couple pour essayer d'arriver au bout de leur aventure. Donc c'est un petit film, entre guillemets, mais c'est là où tu te rends compte de tout le génie de Spielberg depuis des années, dès le début en fait. Enfin, t'as des idées dans tous les plans, c'est vraiment beau, c'est vraiment captivant comme film, et c'est vachement bien. Il a été tout jeune quand il a fait ce film, c'est un film qu'il a fait avant Les Dents de la Mer, avant tout ça, quoi. Et il s'appelle Sugarland Express, sorti en 74, et voilà, c'est sur les trucs de VOD, machin. Je crois pas que c'est, hélas, je crois que c'est sur aucune plateforme. Moi, je l'ai maté en DVD. Mubi ? Peut-être Mubi. Non, c'est. C'est quoi ça ? Je sais pas. Apparemment, sur Amazon Prime. Un peu plus. C'est abonnement premium Amazon Prime. Vous pouvez peut-être le voir. Ah ouais, c'est Filmo TV. Voilà. Sur Amazon Prime, il y a tous les films. Moi, j'ai l'impression que tu peux en louer. Ouais, mais tu dois les payer. Oui, c'est ça. Moi, et Canal aussi, il y a du VOD. Il y a du VOD. Ouais. Mais là, c'est sur Filmo TV, par exemple. Si bon, vous êtes pire, c'est un VOD à 3 euros la soirée. Oui, voilà, par contre, si vous pouvez le payer à 3 balles. Le film est vraiment bien. Franchement, je vous le conseille. Et donc voilà. Bah merci les gars, on va faire un dernier tour de table pour avoir l'actu de chacun. Donc Yvick, l'album de Théo Jouz sur lequel tu as participé vient de sortir. Voilà, je suis en feat sur le morceau Miroir. Trop bien. Et la pizza de la mama. La pizza de la mama disponible dans tous les carrefours au Champ de France. Et le sketch show MST. Et le sketch show MST qui débarque sur Canal+, mais il y aura évidemment des bouts qui seront également sur YouTube. Voilà, moi cette année c'est vraiment sur YouTube que je veux me, enfin où je veux revenir. Ouais, tout simplement. Pour passer la barre des 14 millions d'abonnés. J'en suis à 6. J'en avais, on en avait parlé dans la dernière, il y a eu des questions là-dessus, donc je me permets effectivement, où en est le film qu'on écrivait ensemble? Il est écrit, mais c'est des choses qui prennent du temps, voilà, à financer, donc c'est vrai qu'on pose la question. Et surtout, avec le Covid, nous, on l'a écrit avant le Covid. Ouais. Donc quand le Covid est arrivé, bah, il y a eu beaucoup de films qui se sont mis en, un peu en stand-by, et ouais, on fait partie de ces films-là, mais il y a plein de films comme ça qui, des fois, qui dorment pendant des années, qui sortent. Et des fois, oui, il y a un alignement des planètes. Et puis, de toute façon, peut-être que nous, on se remettrait les mains dedans aussi parce qu'on va pas être les mêmes personnes, etc., etc. Et puis, si ça se trouve, au pire, ça devient un podcast audio où on lit le, on lit le scénario. Voilà. Beaucoup trop de travail. Ça va être décevant pour une. Mais pour... uniquement sur Waze. Ouais. Il faut prendre vraiment le bon chemin pour avoir le scénario dans l'ordre. Sinon, c'est vraiment le bordel. Et ça, c'est un vrai concept, quand même. En vrai. Freddy Gladieux. Eh ben, rien de particulier, figure-toi. Toujours sur les réseaux. Oui, sur les réseaux. Et tu prépares des choses quand même. Oui, ça prépare, mais c'est jamais très intéressant, comme tu le sais. Oui, de dire oui, bon, bah je prépare ça. Bah oui, mais bon. Bon, voilà. Mais en tu cas, as été auteur sur Sketch Show Divi. Oui, voilà, c'est vrai, je joue un perchiste. Voilà. À un moment, je dis une phrase dans, voilà, dans le Sketch Show. Voilà. Ah non, mais quand voilà, même. Vous verrez quelle phrase, de quelle phrase il s'agit. Voilà. Si vous la devinez avant la sortie du Sketch Show, on vous offre des pizzas de la mame. De la mame. Disponible à Carrefour et Auchan. Une seule, ouais. Et pas de votre choix. On vous l'impose, malheureusement. Voilà. Donc, très bien. Et Adrien ? Eh bah, pareil, voilà. MST. Okay. Il est tard, Adrien. Je suis désolé, pardon. Faut que tu manges. Non, bah, non, mais, ouais, non, mais MST non, aussi. Mais et voilà. J'ai des gens qui nous ont dit, j'ai vu Derby Girl, la nouvelle saison. Alors, oui, c'est parce fou, que c'est disponible en Belgique seulement. Ah, voilà. Sur l'appli RTL Replay ou un truc comme ah ouais, ça. C'est enfin, très caché. Hein. Ah ouais. Voilà, mais il y a des gens qui m'ont dit eh, en fait, je sais pas si tu sais, la saison 2 est disponible en Belgique sur RTL machin. J'ai dit, enfin, j'ai rien dit, mais je me suis dit bah non, je savais pas du tout. Donc, d'accord, si vous êtes en Belgique et que vous installez l'appli RTL, bah, les Belges, je sais pas vous quoi, vous plaignez qu'on vient pas à Bruxelles. Pour le coup, voilà, vous pouvez quand même avoir un peu d'Adrien Méniel dans votre plateforme. Voilà, oh, un peu, oui. Un peu de Méniel dans votre plateforme, bah oui. Pas mal, pas mal. J'essaie de retrouver l'appli, mais je l'ai supprimée immédiatement parce que je me suis dit, ah ouais. Et en fait, évidemment, elle ne marche pas en France, donc j'ai. Ok, ah, d'accord, okay. Ah, elle marche pas. Il te faut quoi? C'est ce qu'il te faut. Un VPN. Est-ce que j'ai une promo sur ma VPN vidéo de la maman. De la maman VPN. Je pense que j'ai encore VPN, un code promo dans ma dernière vidéo YouTube qui date de un an et demi, peut-être. Peut-être qu'il est encore dispo, faut voir. Et quant à moi, il y a toujours la tournée de Baptiste Le Caplain. Baptiste Le Caplain qui peut-être fait une petite apparition dans un sketch show. MST. Et on n'en dit pas plus. Adrien, qu'est-ce que tu fais? De l'ASMR. Oh. Vous êtes sensible à l'ASMR? Pardon. Horreur de ça. Ouais. Je suis très sensible, moi. Moi, tu chuchotes dans un micro, ça me donne envie de te défoncer la gueule. Ouais, alors que te péter dans la bouche. Ouais, pareil, j'aime pas les bruits de la bouche. Je lèche les babines, y'a quoi. Non, mais au moins, ça m'a permis d'affirmer. De quelque me chose. J'ai plus honte. Ouais. Au début, on sentait que j'essayais de le cacher. Très mal. Si vous réécoutez, c'est. Ouais, on le sent quand tu dis c'est moi. La première fois que tu dis c'est moi, on peut se douter que c'est toi. Mais il fallait que ça sorte, quoi. Est-ce que comme du coup, le paix de... au quotidien, du cul de la meuf. De la meuf. Est-ce que au quotidien, bouche, je l'odeur dans de l'oxygène n'est pas un peu fade? Ah bah c'est oui oui c'est ça, mais à l'image de la vie en fait, c'est ça le truc. Pourquoi tu crois qu'il veut qu'on garde notre masque? Ce masque a été imprégné de paix de femme pendant 3 jours. C'est la seule raison. Les virus, alors là. Rien à faire. Donc moi, il y a la tournée de Baptiste Le Caplain qui joue dans plein de villes. Et il va rejouer à Paris au Théâtre de la Renaissance en octobre, donc c'est pas tout de suite. Et puis, eh bien, la tournée du Floodcast, voilà. Quand bah même, oui, il y a ça. Pour vous remercier. Bah c'est dans longtemps. C'est dans longtemps, mais c'est quasiment complet partout. Et donc, pour vous remercier d'avoir été aussi présent. C'est énorme. Aussi pour nous excuser parce que la billetterie, il y a eu des bugs. Alors, c'est évidemment pas de notre faute, évidemment. Et que parfois, des fois, vous envoyez des messages auxquels moi je réponds, bah désolé, allez voir avec Furax ou avec Citiquet parce qu'on gère pas ça du tout. C'est pas notre métier, tout simplement. Mais voilà, ça désolé. Ça fait pas envie d'échanger avec Furax. Si je peux me permettre au niveau du nom. Non, c'est vrai. Tu te dis, t'as pas trop envie de te plaindre. Ça fait très mauvais rappeur des années 90. Ouais. C'est vrai. Ouais, ça va pas. Lui là, c'est Furax. Non, ça fait un peu dans Validé. Il s'appelle Mastar. Mais d'ailleurs, si vous êtes programmeur, inventer une plateforme de billetterie qui ne bug pas, vous allez être millionnaire parce qu'apparemment ça n'existe pas. Ouais, mais moi, quand j'allais voir des concerts de gens connus ou des trucs comme ça, à chaque fois il y a des plantades, des trucs, des machins. Maman, bon, t'allais voir des concerts de gens vraiment que personne connaît. Bah ouais, bah mec, moi à la scène métal, il y avait des gens vraiment tout le monde s'en branle. Hein. Ah ouais. Ah ouais mon gars. Genre ouais. Qui, genre qui? Les flacou flacou. Je l'ai pas inventé du tout. Lelo. Donc voilà. Alors ça, les deux tournées, Floodcast, Baptiste Le Caplain, MST sur lequel j'ai écrit et j'ai fait un peu de direction d'écriture aussi dessus. Et on te voit. Et on m'a peut-être que ma voix apparaît quelque part. Et ton visage. Et tu joues dans un très très bon sketch. On en dit. Eh, laissons les gens juger. Laissons les gens juger. Non, pas non plus. Et voilà, bah écoutez, merci les gars, c'est très cool. Il y a quasiment pas de montage en plus pour cet épisode, donc ouais, c'est trop parfait. Bien. Ah, ah, là, franchement, direct sur le là, web. Là comme ça, je vois rien à couper. Ça aurait pu être un live. On a eu raison de le faire en direct sur Twitch. Il y a pas eu de trucs déplacés. Il y a pas, il y a pas. Bon, bisous tout le monde. T'es prêt à biper? T'as rajouté un petit truc que tu bipes avant? Tu mets un bip à ce moment-là? Je suis. Bah non, ça je le bip pas. Ouais, bisous tout le monde. Ciao. Salut, c'était Yvick. Il s'agissait du flow de cast. Pardon.